Hey, salut chers auditeurs, bienvenue à l'épisode numéro 26 de l'Horreur Gamer Show. C'est sous micro et avec moi ce soir, en ma compagnie, mon équipe de la mort qui tue. On va commencer avec Kevin. Kevin, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va pas pire, j'étais un peu sous le choc du fait que ça fait trois fois qu'on essaie de starter ce show-là, mais ça va bien. Ça fait des bons bloopers. Ouais, je sais pas si on va en avoir assez pour faire un montage, mais on verra. Chers auditeurs, soyez avertis, ça se pourrait que ça allait être tout croche, vu comment ça a commencé. Ouais, c'est mal parti, Nasty. Steven aussi, t'es avec nous ce soir, comment est-ce qu'il va? She's a maniac. Ça va très bien. Oh non. Ah, yoye, quelle soirée qui s'annonce. T'es sûr que ça va bien? Hey, wow, c'était super. On va passer vite à Jean-François. Jean-François, comment ça va? Ça va très bien. Wow, merci d'y aller dans la sobriété, Jean-François. Je crois pas que j'aurais pu en supporter. Je suis pas tout à fait ça, mais oui, ça va. Non, ben moi non plus, ça va donner un drôle de show parce que, bon, j'ai eu des visites, moi, aujourd'hui, puis ben mettons qu'on a commencé ça de bonne heure. C'est probablement, d'ailleurs, une des raisons principales de pourquoi ce show-là va peut-être aller tout croche. Mais c'est pas grave. Je suis content d'être avec vous ce soir, enfin, une petite soirée reposante où ce qu'on va pouvoir jaser d'un show un petit peu différent de ce qu'on fait à l'habitude, disons, dans son thème. Mais avant ça, on va faire comme on fait d'habitude, puis on va faire un petit tour de table, savoir qu'est-ce que vous avez écouté. Puis je vais commencer par toi, Kevin, mettons. Ouais, moi j'ai écouté pas mal de stock cette semaine. Mais il y a un film que j'ai regretté avoir écouté. Puis je vais vous essayer de vous conseiller de ne pas l'écouter. Vas-y donc. Feast 2. Oh! On a déjà parlé du premier dans le podcast qu'on avait tous aimé. Oui. Mais le deuxième, c'est pas en tout dans la même veine. Je te dirais que c'est un film que j'ai détesté. C'est du début à la fin. Je pense que c'est même pas le même gars qui le fait. Ah oui, c'est si ça. Je me trompe pas. Ouais, mais non, mais je veux dire, c'est pas les mêmes... Les mêmes producteurs, ça se peut-tu? Non, c'est ça. C'est qu'en réalité, il n'y avait pas de producteur pour l'empêcher de faire des niaiseries. Ils ont été laissés un petit peu trop lousses. C'est ce qui a donné les résultats. Écoute, c'est du mauvais CGI, des mauvais acteurs. Les créatures sont même pas aussi intenses que dans le premier. Puis t'as des scènes comme la scène du bébé, là. Vraiment trop éveillé, je trouve, moi, dans un film. Je sais pas, je peux pas dire que j'ai pas rien vu. What? De ça. Je me tiens loin. Ah, t'as pas vu le deuxième? Non, pas du tout. Mais tu manques rien, mais en tout cas. Toi, je sais que Steven, quand j'avais posté ça, t'avais comme dit que ça te rappelait des mauvais souvenirs un peu. Ouais, c'est vraiment une suite de merde que j'ai tenté de revoir une autre fois, puis j'ai arrêté le film après 10 minutes. Comme fait, non, c'est fini, plus jamais. Fait que là, c'est ça, j'étais un peu embêté si j'écoute le troisième ou pas. Mais j'ai aussi écouté The Little Shop of Horror. Little Shop of Horror. L'original? Ouais, l'original, exactement. Ok. Puis, puisque on avait parlé un peu en fin de show, le dernier show. Puis, j'ai vraiment trippé. J'avais vu le remake, là, avec Moranis. C'est très différent. Très différent, mais c'est un bon petit film pour l'âge qu'il a, là. Oui. Je trouvais ça intéressant. Est-ce que tu trouves ça drôle qu'il donne beaucoup, beaucoup de crédit à Jack Nicholson pour ce film-là, puis que dans le fond... Hey, son rôle... Il n'y a rien qui vire autour de lui. Non, c'est ça. Il est sous toutes les pochettes, il est tout le temps son nom en gros, puis... C'est pour attirer le monde, ça, c'est sûr, mais... Tu sais, il est bon dans son rôle, mais c'est un rôle de 5 minutes, là. Je veux dire, ça vaut pas un Oscar ou bien une tête d'affiche. Là. C'est le même personnage que Bill Murray dans le remake, je pense, hein. Je pense qu'il y a un. Qui aime se faire. Qui aime aller chez le dentiste, puis qui aime se faire faire. Exact. Tu sais, il y a un beau rôle dans. Il y a une face de maniaque, le gars, fait que. ça y va bien. Mais. Bon, j'ai bien aimé. De mémoire, je peux pas me rappeler c'est quoi l'autre film de Corman, mais Corman avait tourné un film, puis il y avait encore quelques jours de tournage. Il avait fini son film, puis il restait encore 2-3 jours de tournage, puis il y avait encore les sets, les costumes, puis tout, puis il a dit, ben. On va écrire un film, puis on va faire ça dans 3 jours qui nous restent, genre. Puis il a fait des touch-up of Horrors. Ça se peut que je me trompe. Là, je dis ça de même de mémoire, là, mais ça se peut que je me trompe. Mais c'était son genre de faire ça, tu sais, de dire, OK, là, j'ai fini mon film dans les temps, puis même avant, puis il me reste encore 2-3 jours, fait que je fais d'autres choses avec les décors, tu sais. Ben, ça se peut, surtout que le film est beaucoup concentré dans la boutique. Là. Oui. Tu sais, ça ne demande pas beaucoup de décors, mais s'il a fait ça vraiment en 2-3 jours, chapeau. Ouais, c'est le genre de Corman, puis c'est une des raisons pourquoi Ben, il est si connu, je veux dire, c'est assez, assez original, mettons, comme façon de travailler. Oui. Ouais. Tu vas avoir de ça, Kevin? Pas à part de ça, pas mal ça. Écoutez pas mal de films, mais... C'est ce qui en est ressorti de plus intéressant. Ouais, exact. Excellent. Le pire et le meilleur. Excellent. Ça. Je vais passer à Steven, tiens. Qu'est-ce que tu as écouté? Ben, j'ai écouté pas mal de choses depuis la dernière fois. Fait que je vais essayer d'en éliminer une coupe puis je vais y aller avec ceux-là qui m'intéressent le plus d'en parler. En premier, je voulais mentionner The Place Beyond the Pine. Je sais que c'est pas un film horrifique puis je voulais pas vraiment parler du film. C'est juste que la semaine passée, tu m'avais parlé que tu avais écouté Citadel. Puis que tu avais envie à chaque 10 minutes d'aller prendre ton ta fille ou ton. Non, je me mélange, ta fille ou ton gars, je suis sûr. Ma fille. Ta fille, à toutes les 10 minutes dans tes bras. Ben, laisse-moi te dire qu'avec celui-ci, c'est fucking 10 fois pire, puis que mon garçon était à la garderie, puis j'avais juste envie que le film finisse au plus vite pour aller le chercher puis le garder dans mes bras. Ben, je peux te garantir, man, c'est clair, je veux rien savoir de ton film. Ah, écoute pas ça, oublie ça, tu vas rester marqué au bout. Merci. Sinon, pour revenir finalement au côté horrifique, j'ai écouté pour la première fois Swamp Thing de Wes Craven. Qu'on pourrait aussi dire La Belle et la Bête. C'est quasiment une adaptation de ça, si on veut, mais en tout cas. Je suis déjà pas un gros fan de Wes Craven. Autant j'avoue qu'il a fait des putains de grands classiques dans l'histoire du cinéma, autant qu'il a fait des grosses merdes. Fait que je savais pas trop à quoi m'attendre dans celle-là. On me disait que c'était une espèce d'adaptation de la BD de DC. Ouais, si on veut. La version, tu sais, c'est parce que moi, je l'ai suivi, Swamp Thing, c'est un des rares que j'ai suivi, mettons, depuis la run d'Alan Moore. C'est avant ça, c'est ces vieilles runs des années 60 qui ont été adaptées, ce qui fait que ça a le look kitsch de ces années-là. OK. Sinon, j'avais regardé l'interview d'Adrienne Barbeau, qui disait qu'au départ, elle avait lu le script original que Wes avait écrit, puis qu'elle trouvait que c'était juste écœurant, puis elle mettait ce gros, puis elle était juste impatiente de jouer dedans, puis John Carpenter l'encourageait, il était « Ah, oh, je suis fan de Wes Craven, vas-y, fonce, joue dedans! » Puis que finalement, arrivé sur le plateau du tournage, ben, le budget commençait à changer, le scénario a commencé à rechanger. Puis finalement, quand elle a vu le film pour la première au cinéma, ben, elle avait envie de s'arracher les cheveux parce qu'elle a détesté le film, parce qu'elle se sentait mal. Elle voulait pas aller le dire à Wes Craven qu'elle trouvait que c'était un film de merde. Elle détestait absolument tout. Puis étonnamment, quand elle est sortie du cinéma, ben, le film a comme eu un gros succès monstre. Fait qu'elle a comme rien dit, puis elle a dit tant mieux si le monde aime ça. J'ai eu du fun! C'est pas un bon film, c'est clairement un mauvais film, c'est cheesy comme c'est pas possible, mais j'ai tellement eu de fun. La première fois que l'actrice principale elle va dans l'espèce de campement scientifique qui se fait envahir par un genre de commando qui veut venir voler la formule, elle saute dans le tas comme Rambo, elle pète l'oriole, elle prend la M16, elle commence à la mitrailler. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? J'étais quasiment en extase. Ensuite, au fur et à mesure que le film avançait, ça devenait vraiment juste une blague. Là, tu voyais déjà avec le costume du monstre carrément raté là, en gros latex peu subtil de costume d'Halloween. C'était vraiment ridicule. J'ai vraiment beaucoup de fun. Là. On est vraiment devant une série Z de... on dira pas assumé. Hein. Je pense pas que ça soit voulu, là, mais... d'après moi, je pense pas que Wes Craven est fier de son œuvre. Je voudrais surtout aussi parler de deux scènes que j'étais complètement plié en deux. Il y a notamment la scène de souper. Lorsque le vilain du film a réussi à voler la formule, puis il aimerait ça tenter de recréer une créature comme la Swamp Thing, dans le fond, puis qu'il en éjecte dans le verre d'un de ses employés sans qu'il sache. Puis que finalement, le seul effet que ça a, c'est que ça le transforme en genre de petit nain démoniaque, on dirait un petit gobelin. Mais ça, Steven, on a parlé dans le dernier épisode, puis je disais justement à Pierre que c'était le genre de... Ça, cette scène-là m'avait vraiment marqué quand j'étais jeune, puis je trouvais que c'était une des transformations assez... c'était marquant quand j'étais jeune, je trouvais ça vraiment épeurant. Puis le cri qui venait avec, puis tout ça. Oh, mais oui. Je sais pas comment ça a vieilli. Je l'ai pas vu depuis longtemps. Mais... Ah, ben c'est ça l'affaire. C'est que je l'ai pas vu jeune. Fait que je l'ai vu là avec la mentalité que j'ai là. Fait que sur le coup, j'ai juste été plié en deux. Même son cri, je peux comprendre qu'il t'a peut-être déstabilisé quand t'étais jeune, là, mais ça sonne vraiment ridicule. Ça fait comme une espèce de « Help me! Help me! » Puis là, j'étais comme « Oh boy! » puis donc, aussi, quand justement le vilain principal décide de, par lui-même de boire la formule, puis qu'il se transforme en espèce de monstre avec un masque. Même les masques d'Halloween sont plus crédibles que ça. Okay. C'est carrément un masque de caoutchouc BS. On dirait qu'il a pris ça dans un marché aux puces. La scène est ridicule. Après ça, t'as comme un combat d'épée. Là, puis j'étais comme « Oh my God, c'est du grand n'importe quoi! » Notamment aussi le petit jeune dans la station-service qui revient 2-3 fois dans le film, puis que c'est pas un comédien qui a été engagé. Dans le fond, il l'a juste trouvé dans cette ville-là où il a tourné, puis il a demandé s'il voulait jouer dans le film. Puis ça paraît que c'est pas vraiment un comédien. C'est encore plus drôle parce que dans les bonus de Scream Factory, tu vois comme une interview avec lui, puis je pense pas que sa carrière allait continuer bien par la suite parce que ça laissait vraiment à désirer. Sinon, après, j'ai écouté Mother's Day, le remake. J'ai jamais vu l'original de Trauma, fait que je pourrais pas vraiment comparer. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé le film correct. Je trouvais que c'était un divertissement qui faisait passer le temps, mais je m'attendais quand même à mieux. J'avais plus l'impression que le réalisateur essayait de faire un best-of en s'inspirant de plusieurs... film de revenge ou de rape dans les années 70. Notamment, je pense que sa plus grande influence, un petit peu trop frappante, c'était House on the Edge of the Park. Il y a une scène qui est vraiment identique où que quand les victimes sont dans le sous-sol ligotées, qui réussissent à se libérer, ils attendent que l'un des maniaques descende en bas. Il l'attrape, puis il l'attache, puis chacun à leur tour, ils poignardent d'un coup de couteau. Puis la même maudite scène dans House of the Edge of the Park où que chacun à leur tour, ils vont tirer une balle sur le protagoniste. Je trouvais que c'était vraiment juste quasiment du copier-coller. Le film n'est pas vraiment original. C'est vraiment juste une succession de scènes choc pour essayer de choquer, mais c'est pas très convaincant. Fait que j'ai trouvé le film divertissant, mais sans plus. Je peux vraiment pas te conseiller l'original si tu l'as pas vu. Honnêtement, moi, j'ai vu les deux. Et puis, comme tu dis, le remake, c'est pas un grand film. Mais c'est un remake d'un film qui est encore moins quelque chose, à mon humble avis. Là. Puis là, je pourrais me faire lancer des bouteilles pour ce que je dis là. Mais honnêtement, garoche-toi pas là-dessus. Là. Oh, ben, je vais attendre de le voir si je tombe dessus un jour. Mais je suis pas pressé. Là. Même si on me dit que c'était totalement à l'opposé. Là. Oui, c'est vrai, c'est totalement l'opposé, mais c'est pas nécessairement bon. Ouais. C'est comme Swamp Thing, je ne l'ai pas dit tantôt, mais si tu as trouvé le premier complètement éclaté, déjanté, le deuxième, c'est over the top ridicule. Là. T'as pas idée. Non, t'as aucune idée, sérieusement. C'est-tu Wes Craven qui s'en charge encore? Ou... Non. Ben, je dis non, puis je me souviens pas, mais je suis pas mal certain. Là. C'est ouf. Je seconde. C'est très mauvais. Mais bon, j'ai encore pas me presser pour celui-là non plus, d'abord. J'ai encore le souvenir des deux jeunes qui voient Swamp Thing, qui viennent de les sauver, puis « Way to go, Swamp Thing », qui regarde la caméra, puis qui fait un thumbs up, man, c'est... Aïe, aïe. Et c'est pas une joke là, que je vous compte, là. C'est épais. Ok, bon, je vais laisser faire tout court. Je vais rester avec le premier au pire. Ben, en même temps, c'est tellement. Tu sais, ça fait partie du So Bad It's Good. Là. Ben, ça me fait penser quasiment à la version de Captain America de Corman. Mm. C'est quasiment ça. C'est So Bad, So Good, mais c'est vraiment So Bad. Que... Corman, c'est pas Albert Pyun? Oui, qui l'a réalisé, mais il me semble que c'est produit par Corman, si je ne me trompe pas, qui avait fait aussi les 4 Fantastiques. Ça se peut très bien. OK, je ne sais pas. Mais c'est à vérifier, mais il me semble que c'était de lui comme producteur. Sinon, j'ai écouté aussi... lui, j'avais hâte d'en parler, ça va peut-être t'étonner, parce que j'ai essayé d'en parler avec d'autres mondes à ma job qui, eux, sont pas fanatiques de cinéma d'horreur ou pas plus qu'il faut connaisseurs. Puis à chaque fois que j'essaie de leur parler, non, c'est de la calisse de merde, parle-moi pas de ça. J'étais comme... OK. Fait que finalement, j'ai écouté Warm Body. Warm Body. Oh, wow. Ah ouais, je sais. J'étais pas vraiment intéressé plus qu'il faut de voir ce film-là. Puis ma belle-mère l'a acheté à ma copine quand ils sont allés dans une pharmacie, puis il était en spécial comme en 9,99. Ouais, ça faisait comme 2-3 semaines que je prenais ces tablettes. Puis là, ma blonde avait envie d'un petit film léger. J'ai comme fait, oh, OK, on peut l'écouter. Puis moi, dans ma tête, tu sais, vu que c'est par le même distributeur que Twilight et ces choses-là, tu sais, cette compagnie-là, Summerian, ils visent un public d'ados. Puis souvent, leurs films laissent à désirer. Fait que je m'attendais juste à voir un dérivé de Twilight, mais version zombie. Puis, ben, Colin, j'ai été surpris. J'ai pas détesté. La première heure du film, je pourrais pratiquement dire que j'ai vraiment aimé ça. J'ai été charmé par l'espèce de petit côté rétro qui me rappelait des films des années 80. Puis je trouve que ce film-là a plus sa place dans ce style-là qu'un Twilight. Là. Je ne ferais pas la comparaison avec Twilight parce que tu aurais mis One Body dans les années 80. Je trouve que ça aurait fité à côté d'un Teen Wolf ou de My Mom, My Werewolf, My Best Friend is a Vampire. Je trouve que c'est des petits films, tu sais, un petit peu naïfs puis un petit peu too much émotionnellement, mais ça a un petit charme. J'ai vraiment apprécié. Il y avait un petit côté cute à l'histoire. C'était quand même pas trop cucu. Le film est vraiment, mais vraiment un soundtrack de la mort. C'est clair que la plupart du budget, sans doute, était là-dedans. C'était des tunes de Bruce Springsteen, Guns N' Roses, Scorpion, M83. J'ai fait des découvertes avec d'autres groupes que je connaissais pas, que les tunes sont vraiment bonnes, puis j'ai pratiquement aucune tune à enlever du film. Le soundtrack est vraiment excellent. Par contre, c'est sûr que niveau scénario, le film va pas ben loin. C'est vraiment juste un zombie qui, dans le fond, ça emmerde à être mort puis à être solitaire. Il s'ennuie du temps qu'il était humain, puis là il tombe sur une fille qui est dans un groupe de survivants qui cherche de la nourriture, qui tombe tout bonnement amoureux d'elle, qui décide de la ramener dans son espèce de petit abri dans l'avion après que son équipe ait été tuée par ses chers amis zombies. Puis au fur et à mesure, ben, il essaie de prendre contact avec elle. Il dit que c'est dangereux dehors, qu'elle ne devrait pas sortir. Puis c'est à partir de là qu'ils vont commencer à développer une petite relation. Le film contient des idées vraiment intéressantes, mais qui sont malheureusement très peu exploitées. Puis c'est vraiment dommage. Notamment au début, tu as comme une scène le zombie, je vais l'appeler R parce que c'est juste comme ça qu'il s'appelle dans tout le film. Il n'y a pas de nom finalement. Qui se rappelle le temps où que les humains communiquaient puis qu'il y avait plus d'énergie dans les communications entre personnes. Puis tu as comme un flashback dans l'aéroport où tu vois toutes les personnes marcher en famille, mais sont toutes après comme un portable ou une tablette ou quoi que ce soit. Puis tu vois que la communication n'est pas mieux. Puis encore là, il y aurait peut-être eu un message à exploiter sur l'effet de la technologie dans la société, comme quoi ça coupe les liens, puis qu'on n'a plus vraiment de contact humain envers les autres. Ça aurait pu vraiment donner de quoi d'intéressant, mais c'est genre à peine effleuré pendant 10 secondes. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu dommage, du coup. Une autre idée que je trouvais que l'idée était vraiment bonne, c'est lorsque là-dedans, les zombies mangent un cerveau de leurs victimes, sont capables de voir leur mémoire. Ils revivent littéralement des souvenirs de leurs victimes, puis c'est pour ça qu'ils aiment autant dans le fond manger leur cerveau, parce que ça leur redonne un sentiment d'humanité. Je trouvais encore une fois l'idée vraiment, vraiment bonne puis intéressante, mais c'est pas vraiment exploité non plus. Dans le fond, lui, il s'amuse juste à garder des petits bouts de cervelle de son chum, de la fille dans le fond avec qui essaie de développer une relation, parce que c'est lui qui a tué son chum croyant qu'il avait tiré dessus. Fait qu'il mange des petits morceaux de cervelle pour essayer de savoir qu'est-ce qu'elle aime ou comment il pourrait comme la séduire. Mais à part de ça, c'est pas plus exploité plus qu'il faut. Mais c'est ça, la première heure, j'ai trouvé que c'était bien. Puis les 30 dernières minutes sont venues me convaincre que finalement, le reste, c'est de la calisse de marde. Là, on tombe vraiment là, dans le too much kitsch. Là c'était bien beau que le personnage principal commençait à retrouver un petit côté humain, son cœur commençait à battre un petit peu. Mais là, quand il commence à essayer de convaincre ses chers amis zombies qui a un moyen de retrouver comment je pourrais dire, leur ancienne vie en se rappelant leurs souvenirs amoureux. Là, tu as comme la gang de zombies qui sont comme devant une promotion de poster d'un couple qui se tient main à la main. Là, tu as comme 10 zombies qui se mettent devant, puis là, tu vois leur, comme avec un petit effet de rayon X, leur cœur qui recommence à battre parce que ça leur rappelle des souvenirs. Puis à partir de là, ben, ils décident d'essayer d'aller communiquer avec les humains. C'est vraiment too much. C'est de trop. On tombe dans le gna-gna un petit peu trop abusif. Ouais, sinon, l'autre point qui me dérange aussi, c'est les espèces de zombies squelettes, les bones, je pense qu'ils s'appellent, qui sont comme les zombies sans conscience, qui sont juste là pour bouffer les humains ou même les d'autres zombies eux-mêmes, qui sont juste un gros CGI raté. Ça paraît mal à l'écran. Sont pas terrifiants pour un sou, puis les 30 dernières minutes, c'est juste basé là-dessus sur leur attaque envers les humains. Fait qu'encore là, je trouvais que c'était juste raté, mal amené aussi. Sans parler de John Malkovich, qui voulait sans doute un petit chèque dans sa poche, parce que tabarouette, j'ai rarement vu un acteur sur une mode automatique, aucun sentiment. Par moment, je pensais que c'était lui zombie, c'était complètement ridicule. Il ne se force pas le cul pour donner un semblant d'attachement à son personnage ou d'émotion. Tu as juste sorte, dans le fond, qu'il meurt, mais il ne meurt pas. Fait que dans le fond, on s'en calisse. pour en finir, parce que là, je suis en train de passer un heure sur One Body. Un petit film sympathique que je trouve qu'il aurait peut-être été mieux placé s'il aurait été fait dans les années 80. Aujourd'hui, le film paraît plus kitsch à cause que le monde va tout de suite automatiquement... le comparer avec Twilight pour cause de la compagnie ou juste le fait qu'un zombie tombe amoureux d'une fille, ça peut paraître un peu niais pour les gars, puis c'est plus un film de filles, mais je trouvais que c'était un petit film de zombie original avec ses qualités et ses beaucoup de défauts, mais je le conseille à voir peut-être une fois, ça peut être surprenant pour certains. Sinon, à part de tout ça, j'ai vu aussi World War Z la semaine passée. Je n'étais pas pressé de le voir celui-là non plus, déjà que les avis étaient mitigés. J'ai pas lu le livre, fait que là encore, je ne pourrais pas faire de comparaison. J'ai juste trouvé qu'en tant que tel, c'était un blockbuster typique qu'on peut voir souvent dans le genre. C'est divertissant, mais souvent avec un scénario qui laisse par moments à désirer, qui exploite pas vraiment son potentiel. Brad Pitt qui n'arrête pas de se tirer des situations... tous les plus impossibles les unes que les autres. Par moments, j'avais l'impression de voir Tom Cruise dans une mission impossible. Là. C'est complètement ridicule. Mais ça reste un divertissement honnête. Dans le même genre, j'ai préféré beaucoup plus Hansel et Gretel qui lui au moins livraient un peu plus la marchandise avec un gore jouissif puis des effets un peu plus recherchés que du CGI. Fait qu'un bon petit divertissement sans plus. Sinon, ça va être tout. C'est pas mal ça qui m'ont resté à l'esprit. Le reste, c'est pas mal des films que j'avais déjà vus. Fait que je vois pas l'intérêt d'en reparler. Bon, ben, je vais passer à Jean-François, notre petit nouveau qui a déjà son fan club au sein de notre groupe Facebook. Jean-François, as-tu eu le temps d'écouter quelque chose? Parce que je sais que tu es très occupé avec ton show et tout. Oui, je suis toujours occupé. Mais j'ai eu le temps d'écouter une couple d'affaires. Et je voulais juste revenir deux secondes sur Warm Bodies, que moi aussi j'ai aimé. Puis je me sentais un peu coupable d'aimer ça sur le coup, mais je me suis dit non, c'est correct. C'est pas aussi cheesy que Twilight, puis c'est quand même divertissant. Puis je dirais pas que la fin, c'est de la merde pour moi, en tout cas, mais je suis resté intéressé tout le long. Ça a ses défauts, là, c'est sûr et certain. Puis la scène où tous les zombies sont, comme tu disais, Steven, sont en train de regarder je sais plus trop quoi, là, puis il y a des cœurs qui flashent, c'est vraiment cheesy à mort. Là. Mais... c'est une transposition de Roméo et Juliette. Le gars s'appelle R, puis elle s'appelle Julie. Ça c'est. Puis tu sais, il y a un personnage qui s'appelle M. Je pense que c'est pour Mercurio de Roméo et Juliette. En tout cas, ah, ben, j'ai même pas remarqué. Merci du détail. C'est tourné à Montréal. J'ai adoré juste la scène finale sur le belvédère du Mont-Royal. Je trouvais ça super beau. Une belle façon de filmer Montréal tout le long du film. Non, j'ai trouvé ça intéressant. Puis que le gars soit celui qui a tué le chum, la fille, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là au point de vue dramatique. Tu sais, puis. C'est peut-être pas assez exploré, mais... Il y a une couple d'idées comme ça, comme je disais, qui sont pas vraiment explorées, puis pourtant, il y en avait une couple de bonnes. Là. C'est un petit peu dommage là-dessus, ça aurait pu être un peu plus poussé. Tout à fait. Sinon, j'ai regardé... c'est pas vraiment de l'horreur, là, juste de mentionner. J'ai regardé Monsters University, il y a des monstres. Fait que... moi aussi, je l'ai vu. J'ai pas beaucoup de souvenirs de Monsters Inc. C'est ça qui est dommage, parce que je l'ai juste vu une fois quand ça a sorti. Fait que j'ai regardé le prequel, puis je me suis dit, c'est pas grave, c'est un prequel, c'est pas grave si je me souviens pas de l'original. Mais il y a des petites affaires que j'ai pas catchées sur le coup, que ma blonde m'a fait remarquer, m'a dit, ça, c'est une référence au premier, tu sais. Puis, non, mais en gros, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai ri, puis j'ai pas grand chose de négatif à dire là-dessus. J'ai rien de négatif, en fait. Je me suis juste bidonné tout le long, là, tu sais. Ah, mais c'est rarement de mauvaise qualité. Non, c'est ça. En effet, moi aussi j'ai écouté ça cette semaine, puis ça fait partie de mes plaisirs coupables. Ben, tu sais, moi c'est les deux opposés, hein. Je suis maniaque de films d'horreur, puis les dessins animés, c'est mon autre dada. Fait que non, j'ai écouté ça cette semaine et j'ai été ravi. En termes d'opposés, moi c'est les comédies musicales. Moi j'aime l'horreur puis les comédies musicales. Fait que... Ah ben ouais, ça fait partie aussi des choses que j'aime, mais je suis assez sélectif dans mes comédies musicales. OK. Sinon, ben j'ai regardé le deuxième épisode d'American Horror Story, la nouvelle saison. Oh. Je suis vraiment accro à cette saison-là par rapport à la deuxième que j'avais plus ou moins aimée. Non, j'accroche vraiment totalement à cette histoire-là des sorcières, les actrices, Kathy Bates. Juste voir Kathy Bates puis Jessica Lange ensemble, c'est un pur délice. Là, ça a l'air que c'est deux grandes amies dans la vraie vie, ça. Hein? Je savais pas, non? Ouais, j'ai entendu dire ça, je me souviens pas trop. Puis ça a l'air que c'est ça, c'est que ça leur donne une chimie à l'écran, que ça a l'air que c'est assez extraordinaire. Moi, je l'ai pas vu encore cette saison-là, je l'ai pas encore commencé, mais j'ai bien hâte. Ah, moi, j'accroche tout de suite. En tout cas, puis je vais pas m'éterniser là-dessus. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, une suggestion de Steven, j'ai écouté Black Roses. J'expliquais à Steven que dans les films cheesy, j'étais un gros fan de Rock'n'Roll Nightmare de John Fasano avec John Michael Thor. Puis j'aime la musique de Thor, puis je suis vraiment. C'est cheesy à mort, là. C'est un plaisir coupable, mais je me sens même pas coupable. J'écoute ça pour le fun. Puis il m'a proposé Black Roses de John Fasano, puis je me suis dit, OK, regardez ça. Puis. Non, c'est du fromage, là, c'est le fun, c'est délicieux à regarder, c'est tellement... Astique, les monstres qui sont lettres. C'est affreux, tu sais, quand les démons transforment les gens dans la foule en genre de squelette, c'est comme « Ah, que c'est ça! » Oh my God. Mais la tune du début est vraiment bonne. Oui. Hey, j'ai une super anecdote concernant Black Roses. J'ai déjà perdu un emploi à cause de ce film-là. Non, l'histoire est assez longue, fait que je vais essayer d'abréger. Mais ceux qui écoutent le show depuis longtemps savent que bon, j'ai un passé de DJ derrière moi, et puis j'ai commencé comme DJ dans des raves, toute la patente. Puis ben moi, tout ce que je pouvais échantillonner qui était drôle, je pognais ça n'importe où ce que je pouvais trouver. Puis déjà à l'époque, je trippais ces films d'horreur. Puis dans ça, Black Roses, il y a un moment donné quand le jeune arrive à la maison chez eux, son père le regarde, puis qu'il y a comme une boucle d'oreille attachée après lui. Je traduis. Mais il lâche, il dit, tu sais, mon gars, il dit, il y a deux sortes de personnes qui portent des boucles d'oreilles. Il dit, il y a les tapettes puis les pirates. Il dit, puis je vois pas de bateau de parquet dans l'entrée. moi, j'avais échantillonné cette bout-là, puis ça faisait partie de mon mix. Et puis, ben, les raves à l'époque, là, je parle au début, parce que c'était populaire, c'était vraiment une grosse clientèle homosexuelle. Fait que je me suis fait planter là, comme si j'étais comme si c'était une critique que je faisais. Puis, bon, en tout cas, j'ai crié à l'injustice, mais ça n'a rien valu. Fait que c'est ça, Black Roses m'a déjà coûté une job. Puis, tu sais, je me disais tout le long du film, probablement que John Fasano, il a appris après Rock'n'Roll Nightmare, tu sais, à la fin de Rock'n'Roll Nightmare, t'avais Satan qui était juste genre un torse, puis une tête, puis deux bras, puis c'était vraiment à l'aide, là, comme marionnette. Je me suis dit, il a peut-être appris après avoir fait ce film-là. Mais non, le chanteur, à la fin, se transforme en une sorte de bébite que c'est quasiment la même chose, puis ça bouge super mal, puis il se fait battre à coups de poing, puis c'est vraiment mauvais, mais c'est drôle. Ah non, ça fait partie des bons fromages. Oui. Puis le poster du film était écœurant. Oui, tout à fait. Fait que non, c'est pas mal ça pour moi. C'est pas mal ça. Bon, ben je vais y aller avec les miens. Black Roses. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler de ce film-là. Moi, c'est assez simple. J'ai juste écouté trois choses parce que je suis hyper occupé ces temps-ci. J'ai écouté trois films et c'est trois suggestions de Steven. En réalité, c'est que quand on est allé au podcast All Star, c'est les trois choses qui m'ont fait acheter. Dont Zaborgar, qui se trouve à être... Encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'horreur, je pense, mais faut que j'en parle parce que c'est vraiment over the top. C'est l'histoire d'une moto qui se transforme en robot ninja qui... qui tue des méchants. En tout cas, c'est fait par la gang de Sushi Typhoon qui, si vous suivez chaud depuis longtemps, j'avais déjà parlé d'El Driver comme étant un des très, très, très, très bons films asiatiques horreur karaté. Fait par la même gang et vraiment n'importe quel fan de Goldorak, croisé Power Ranger et mettez toutes les cheese que vous pouvez imaginer. C'est de toute beauté. Comment dire, je suis vraiment retombé en enfance en écoutant ça. Puis j'ai été surpris de voir justement un film de la gang de Sushi Typhoon qui a pratiquement, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de... T'sais, c'est un petit peu violent, mais pas trop. Il y a du sexe entre humain et androïde, c'est vraiment weird, mais non, wow. Vraiment tout un film qui m'a jeté sur le cul. Un très, très, très bon achat que je ne regrette pas. À part de ça, j'ai acheté de Scream Factory, le double feature de Terror Vision et de The Video Dead. Wow. The Video Dead, je connaissais déjà, je me souvenais plus, mais j'avais déjà vu ça, l'histoire d'une télé possédée qui par son écran fait venir des zombies dans notre monde. Ben, des zombies et des toutes autres créatures maléfiques. Encore une fois, on est dans le cheesy. T'sais, l'épisode de ce soir, on va parler de films vraiment cheesy à mort. Puis là, on est dedans, là, vraiment. Avec The Video Dead, c'est la même chose. Du gros, gros fromage beurré bien épais, des mauvais acteurs. Mais une vibe de ces genres de films-là qui est vraiment cool, qui a vraiment été agréable. Je me suis bidonné, j'ai eu du fun. Puis c'est le genre de film que je vais réécouter puis très prochainement. Là, t'sais, casse pas ta tête, c'est le fun, c'est drôle, puis c'est cave. Là, t'sais, bon popcorn flick à écouter en gang. Pour ce qui est de Terror Vision, que je n'avais jamais vu, c'est quelque chose... Comment, écoute, Steven, aide-moi à décrire Terror Vision. J'ai de la misère à expliquer ce film-là. Si la façon que je l'ai vu, c'est tellement over the top, tellement tout croche. J'avais l'impression d'écouter quelque chose d'irréel, mais c'est génial. C'est vraiment quelque chose de... C'est toute une expérience, disons. Je me rappelle que très peu, en plus, je l'ai vu quand ils ont sorti le Blu-ray, puis j'ai déjà pratiquement tout oublié. En réalité, c'est normal. Il se passe tellement de choses en très peu de temps. Écoute, l'histoire, encore une fois, d'une famille qui se pose une espèce d'antenne vraiment de la mort pour leur système de home entertainment qui est vraiment over the top, qui finit par absorber des extraterrestres qui veulent envahir la planète. Une famille vraiment, comment je pourrais dire, vraiment cliché par-dessus cliché. On a la jeune goth métalleuse qui sort avec le metalhead le plus typique des années 80 avec l'attitude la plus cool du monde. Un grand-père redneck qui entraîne son jeune Flo à tirer de la mitraillette à 9 ans. les parents qui se trouvent être un couple d'échangistes qui se font des partous en maison. Non, vraiment, là, un over the top qui ne finit plus. Encore une fois, j'ai eu un gros, gros, gros fun à écouter ça. C'était tellement divertissant. Surtout que les acteurs surjouent comme c'est pas possible. Là. Ça n'a aucun bon sens. Là. C'est tellement mauvais que ça fait partie, encore une fois, du So Bad It's Good. Mais asti, j'ai eu du fun. Belle surprise, Terror Vision. Mais je peux. Chers auditeurs, fiez-vous pas sur moi pour aller vous garocher, écouter ça. Watchez le trailer avant parce que c'est vraiment particulier. Je conseillerais pas ça à n'importe qui. Maintenant. Non, c'est étrange. Tu sais, écoute, autant qu'au dernier épisode, je filais mal parce que tous les films que j'avais vus, c'était quasiment toutes des déceptions. Dans ce cas-là, j'ai vraiment vu des affaires tellement cheesy, tellement tout croche. C'est ce que j'avais besoin ces temps-ci parce que je travaille beaucoup puis que je suis brûlé rentre chez nous. J'ai écouté des affaires étranges. Les deux films d'aujourd'hui en font partie de notre fromage. Puis, est-ce que j'ai eu du fun, là? J'étais content, ça m'a redonné une bonne tape dans le dos. Fait que c'est ça, ce sont les trois films que j'ai écoutés. Si notre tour de table est fini, je vais en profiter pour faire un petit retour sur le podcast All Stars. Ceux qui l'ont écouté, vous avez probablement remarqué que que j'ai pas dit grand chose finalement. j'avais pas grand chose à dire. On était beaucoup de monde, puis fallait se planter un peu pour parler. Puis moi, j'ai réalisé qu'en dehors de notre show, je suis un petit peu, je sais pas, je suis en dehors de mon élément, je suis pas super à l'aise, fait que c'est pourquoi vous m'avez pas bien entendu. Mais je voulais juste prendre le temps de dire un gros, gros, gros merci à Benoît Mercier qui a organisé ça. Ce fut tout un party vraiment cool. Écoute, la bière était fournie par le brouhaha. Je veux pas, tu sais, c'est une des microbrasseries les plus les plus prisés au Québec, c'était de toute beauté. Les locaux de Clickpump qui nous ont été pognés par Alexis Cornelier de Mac-Québec, vraiment cool comme place. On était super bien traités. Le monde était vraiment cool. Tu sais, une belle soirée, là. Je veux pas m'éterniser là-dessus, là. Pas faire de jaloux non plus, mais vraiment une belle soirée avec du bon monde. C'était écœurant, puis ça s'est super bien fini. Disons que moi et Steven, en fin de soirée, ça fut over the top, disons là. Puis j'ai juste une chose à rajouter, allez sur YouTube, puis marquez Fist of Jesus. C'est ça. Écoutez-le jusqu'au bout, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, on a eu la chance d'assister à la représentation de Fist of Jesus et de Ninja Eliminator 3 avec la gang de Roadkill Superstar. Non, c'était Dream Come True. C'était vraiment, vraiment cool. On a profité aussi du podcast All Star pour faire le lancement du fameux réseau rzoweb.com. Ça faisait longtemps qu'il y avait beaucoup de monde qui travaillait là-dessus. Je parle de Bruno Georget, de Jean-François Combe, les gars du dernier des podcasts, soit Éric Lafontaine et Maxime Paiement. Ces quatre gars-là ont travaillé comme des vrais déchaînés pendant le dernier mois à monter ce projet-là, réseau, qui se trouve être une espèce de passerelle pour des podcasts et des web télé québécoises que j'encourage tous nos auditeurs à aller voir sérieusement. C'est merveilleux. rzoweb.com. Passez par là. Allez dire bonjour à toutes les shows. Ça vaut vraiment la peine parce que chacun des shows qui sont là, c'est toutes des idées originales, des concepts originaux. Et puis, quelque chose de bien présenté, de bien monté. Puis sérieusement, ça vaut la peine. J'ai découvert des choses là-dedans. La plupart des podcasts, je les connaissais. Veux, veux pas, on jase entre nous, puis on se fait des jumps dans le milieu, veux pas. Mais j'ai découvert un gars et un show qui s'appelle Le Chac à boisson. Je vais vous recommander ça, puis je vais en faire d'autres recommandations. Mais Le Chac à boisson. Allez voir ce gars-là. Mathieu Gosselin, son nom. Très bon dude, très bonne idée. Très bonne recette d'amaretto maison. Allez voir ça, je l'ai essayé, je me suis saoulé avec, c'est extraordinaire. Ceci étant dit, messieurs, ce soir, spécial Fred Decker, deux films, comme je l'ai dit et que je le répète, on se lance dans le fromage, on fait différent de ce qu'on fait d'habitude, un petit peu, comment je dirais, on n'a pas cherché du gore, on n'a pas cherché de violence, on n'a même pas cherché de toton ce soir, puis on tombe dans quelque chose de complètement différent de ce qu'on fait d'habitude, et je crois qu'on va avoir du plaisir. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, je le suis. Merci oui. beaucoup. Suivi d'un jingle, on va aller oui. commencer tout de suite avec Monster Squad. OK, on est de retour avec The Monster Squad, un film de 1987 réalisé par Fred Decker et écrit par Shane Black et Fred Decker. OK, The Monster Squad raconte l'histoire de Sean et sa bande d'amis qui ont formé du haut de leur cabane dans un arbre un Monster Club. Sean est un amateur d'horreur de 12 ans, dont le père, qui est policier, et la mère vivent des difficultés dans leur mariage. Réservé seulement aux garçons, le Monster Club sert d'échappatoire à Sean, qui s'entoure de Patrick, Eugène, le gros Horace, et le nouvellement recruté Rudy, un ado pluvieux et très cool à leurs yeux. La gang est néanmoins complétée par la petite sœur de Sean, Phoebe, qui se mêle constamment à eux et qui s'avère très perspicace. Lorsque plusieurs indices révèlent à Sean la présence de monstres dans son entourage, il transforme son club en Monster Squad, prétextant qu'ils sont les seuls à vraiment voir ce qui se passe et qu'ils sont capables d'arrêter les monstres. En effet, nul autre que Dracula vient d'arriver en ville en compagnie de la créature de Frankenstein, le loup-garou, la momie et le Gillman, qui est un peu la créature du Black Lagoon. À l'aide d'un vieux livre écrit par Van Helsing, que les jeunes feront traduire par un mystérieux voisin allemand, le Monster Squad tentera de mettre la main sur une amulette qui contient un concentré des forces du bien avant que Dracula ne puisse la détruire. Selon le grimoire, si la bande de jeunes met la main sur l'amulette et fait lire une certaine incantation par une vierge avant minuit, un vortex s'ouvrira dans les ténèbres et aspirera à jamais les forces du mal. Ça, c'est mon résumé. Super, ça. On va y aller avec nos avis. On va finir par toi, Jean-François. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de Monster Squad? Première des choses, est-ce que tu l'avais déjà vu? Non, moi, c'était mon premier visionnement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Quand le film est sorti, j'avais moins 2 ans. Fait que j'ai pas... c'est pas un film que j'ai écouté dans ma jeunesse non plus. Puis justement, c'est une discussion qu'on avait eue avec Sébastien, puis Jean-François, puis toi, de savoir si c'était un phénomène, justement, qu'il fallait l'avoir vu étant jeune pour aimer le film. Puis, je pense que oui. j'ai pas eu un sentiment de nostalgie, peut-être que vous avez eu. Je sais pas encore vos opinions, mais pour ma part, j'ai trouvé ça très cheesy. La scène d'intro, elle s'annonçait, tu sais, bien avec Van Helsing qui. On voit un peu genre l'époque de Van Helsing qui essaie de combattre Dracula. Ça, je trouvais ça intéressant. C'était bien amené. J'avais l'impression de regarder un Indiana Jones, là, un peu. Sauf qu'après ça, quand on tombe dans l'univers, là, justement, des jeunes, c'est là que, tu sais, on voit que le film, c'est plus une comédie d'horreur vraiment axée pour les enfants. Mais quand même, j'ai trouvé les monstres intéressants. La façon qui était amenée aussi dans le film. T'as Dracula, bon, qui veut faire comme une armée pour détruire la Terre, parce que c'est ça, le but de tous les méchants, c'est tout le temps de détruire la Terre. C'est clair. Puis, non, c'est ça, j'ai aimé comment que les créatures t'aient amené, même si c'était un peu garoché. Là. Je trouve qu'ils ont comme tout amené en même temps. Là. C'est quand Dracula est dans l'avion, puis il va chercher Frankenstein, puis là, ça drop dans l'eau, puis là, comme... Ça tombe dans le marais où ce que Gilman est, tu sais. Puis ça tombe genre à côté de l'hôpital du loup-garou, là, où, tu sais, l'affaire de même. Fait que c'était comme un drôle d'adon que ça retrouve tout à la même place. Mais non, sinon, c'est sûr que si t'écoutes ça dans l'optique que c'est un film pour enfants, il y a du fun à avoir aussi. Là. Je trouve que les acteurs sont attachants. Là. Les jeunes, la petite, là, et qui est au bout, là. Surtout quand elle se lie d'amitié avec Frankenstein, puis ça, je trouvais ça cute. Sinon, j'ai eu du fun quand même, mais je sais pas, je trouve que l'histoire est un peu garochée. C'est bien correct. Steven, ton avis, avais-tu déjà vu Monster Squad? Oui, moi je l'ai découvert malheureusement pas dans ma jeunesse. J'ai découvert qu'à Lionsgate, on a finalement réussi à avoir les droits pour le distribuer en DVD. Fait que là-dessus, ça m'a un petit peu déçu. C'est le genre de film que j'aurais voulu découvrir dans ma jeunesse parce que déjà, je suis un gros fan des Goonies. Quand j'ai su par la suite que Lionsgate distribuait ce film-là, je me suis précipité dans le magasin pour aller l'acheter, vu que c'était une espèce de version horrifique, si on veut, des Goonies. Personnellement, The Monster Squad, pour moi, c'est vraiment un must en termes de film familial horrifique, parce que non seulement c'est parfait pour faire commencer les enfants dans le milieu horrifique, le film est quand même assez drôle par moments, en restant toutefois assez sérieux dans son horreur. C'est un des aspects que j'aime beaucoup de Monster Squad, c'est que ça a beau être un film familial, il dépasse par moments les limites de qu'est-ce que c'est même de nos jours en termes de film familial. Il dépasse un peu les codes. Tu sais, je pense pas que c'est aujourd'hui que tu verrais un petit film familial où que Dracula pognerait la petite fille puis c'est comme « Donne-moi l'amulette, bitch! » Traiter une petite enfant de salope, littéralement, c'est pas quelque chose d'assez fréquent. C'est un aspect que j'ai aimé, puisque le film peut autant plaire pour les jeunes que pour les adultes. C'est vraiment, vraiment un film fait avec passion, puis Fred Decker est un fan fini des monstres d'Universal, puis je trouve que c'est un hommage fabuleux qu'il fait avec The Monster Squad. Jamais les créatures, que ce soit Dracula, Frankenstein, tout ça tombe dans le ridicule. Ou tu sais, des fois, on peut rajouter des gags stupides, vu que c'est quand même un film classé familial, mais les créatures sont tout le temps traitées avec sérieux, respect. Fait que moi, j'adore, là, je fais juste retomber en enfance en revoyant mes monstres favoris dans le même écran, contrairement au Van Helsing de Stephen Sommer, qui est une vraie joke. Oh non! Ah ouais, on n'en reviendra pas là-dessus, de toute façon. S'il vous plaît. Hey, si je peux me permettre, Steven, comme tu disais, je trouve que Dracula, il est très violent dans ce film-là, avec sa dynamite. Il aime beaucoup la dynamite, il faut dire, là, mais... T'sais, il va lancer la dynamite dans la cabane des enfants afin pour s'assurer qu'ils sont morts, t'sais, pour les... Ah, littéralement, puis on se cache pas. À la fin, là, dans la petite ville, là, c'est vraiment un massacre total. Là. C'est pas le genre de truc que tu vois dans les films familiales, là, une espèce de gros massacre de policiers. Là. En une minute, je pense qu'il craque le cou de comme 10 policiers. Fait, c'est ça, Fred Decker respecte énormément les créatures qui rendent hommage, puis c'est vraiment un hommage fabuleux. Tu vois qu'il a vraiment voulu faire un genre de Abbott et Costello Meet Frankenstein version contemporain, c'est vraiment évident. Puis même, comme j'expliquais, t'as des trucs que les enfants vont vraiment pas catcher. Je pense notamment aux scènes à la scène avec en français, je sais pas trop comment dire, le vieux de la Germanie. Le voisin allemand. Ouais, c'est ça, l'allemand. À un moment donné, les enfants qui viennent pour quitter, ils expliquent que c'est pas un vampire, que c'est pas un garou ou quoi que ce soit. Après, t'as un des enfants qui dit « En tout cas, t'as l'air d'avoir de l'expérience avec les monstres et tout ça. » Puis il répond comme « Oui, ça se pourrait bien. » Puis au moment qu'il ferme la porte, tu vois son coin de veston de bras qui soulève, puis tu peux voir un code, puis c'est comme les numéros des camps nazis de concentration, si je me trompe pas. C'est comme assez évident, puis c'est le genre de truc que les enfants vont vraiment pas catcher, mais que les adultes vont facilement percevoir. C'est clair, hein, comment j'ai trouvé ça brillant. C'est brillant, puis c'est ça, je trouve, la grande force de Monster Quad, c'est que ça va vraiment plaire à tout le monde, puis le réalisateur s'arrange pour aller chercher pas mal de tout le monde dans le public pour qu'il soit satisfait. Mais ça revient, ça, dans les films de Fred Decker, l'Holocauste, puis les nazis, ça revient souvent. Ouais, ben Fred Decker est juif, je crois. Ouais. C'est clair que c'est quelque chose qui doit venir qu'à le toucher, on s'entend. Exact. Sinon, le groupe des jeunes, j'adore, sont facilement attachants. T'as tous les clichés de cette époque-là, des années 80, mais c'est ça que j'aime. Tu vois beaucoup l'influence des Goonies. T'as encore le petit gros qui est tout le temps en train de manger partout. Même Frankenstein, il me rappelait beaucoup dans sa manière d'agir avec les enfants. J'ai oublié le nom de l'espèce de gros mutant déformé dans The Goonies. Je sais pas si quelqu'un se rappelle d'entre vous. C'était quoi son nom, t'as vu? Non. Là, il y a des auditeurs qui sont en train de le crier. Ben fort, oui, c'est ça. Gang d'amateurs, c'est ça. En plus, je suis là à dire que je suis un fan de The Goonies, puis je me rappelle. En tout cas. C'est pas important, c'est juste pour dire que je trouve que les influences sont clairement là. Je sais que le film, lors de sa sortie, ça a été un espèce de gros flop. Je sais pas si ça a sorti dans un mauvais moment ou d'où le fait que ça peut faire beaucoup penser aux Goonies, ça a pas trouvé son public ou quoi que ce soit, mais pour ma part, The Monster Squad, c'est vraiment un must pour les amateurs d'horreur, surtout ceux qui adorent les créatures d'Universal. J'adore le groupe d'enfants. C'est le genre de groupe que j'aurais voulu être, de faire partie quand j'étais jeune. Puis même aujourd'hui, j'ai 26 ans, puis je regarde leur groupe, puis je suis comme assis que j'aimerais ça être dans leur groupe. Surtout dans leur cabane. C'est un peu ça que je retrouve avec l'équipe d'Horror Gamer. Là, on est comme des Monster Squad dans ma tête. Là. Je trippe tout seul, là, mais j'aime vraiment ça. J'adore Kevin, ça. Tu l'as dit, la cabane est tellement hot. Ah. C'est incroyable. Oui, puis tu vois clairement les influences de posters, notamment Godzilla. C'est sûr que Pierre t'a remarqué. Puis justement, c'est drôle de mentionner que justement, Fred Decker, à une certaine époque, voulait faire un Godzilla en 3D avec le réalisateur Steve Miner, mais que c'est tombé à l'eau. Puis durant une entrevue, il parlait qu'il ne voulait plus jamais faire ce projet-là parce que Roland Emmerich avait détruit Godzilla. Oh! Fait que dans tes dents, Roland Emmerich. Fait que non, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment un petit classique qui enfin a trouvé un distributeur parce que ça a été vraiment bordélique. Ça a l'air qu'ils ne savaient pas trop. Le film avait été échangé souvent entre compagnies, que la plupart du monde ne savait même plus à qui ça appartenait. Fait que Lionsgate a comme vraiment poussé dans le cul pour essayer de l'avoir. Puis. Avoir les droits pour les distribuer, ce qu'ils ont réussi à faire. Puis un gros merci à Lionsgate parce que c'est vraiment un film culte qui mérite d'être redécouvert ou découvert par les fanatiques du cinéma d'horreur ou même les petits-enfants. Je suis impatient de le faire découvrir à mon gars. Je suis sûr qu'il va adorer ça autant que Gremlins et les autres petits classiques familiales. Fait que non, un gros bravo Fred Decker. Excellent film, excellent hommage. Je suis parfaitement satisfait. Merci beaucoup. Ben, je vais y aller. Je vais être 100% honnête. J'ai pris aucune note en écoutant Monster Squad. Puis la raison est extrêmement simple. C'est que quand je m'assois devant ce film-là, premièrement, je redeviens un enfant, tout simplement. Moi, j'ai vu ce film-là. J'ai vu ce film-là très jeune. Je devais avoir probablement l'âge des personnages principaux. Je devais avoir une douzaine d'années. Et puis, je me rappelle que c'est mon père qui m'avait dégoté une copie de ça. Je sais pas comment. Puis, une copie en anglais. Puis, à l'époque, à 12 ans, je parlais pas très bien anglais. Mais ce film-là m'a toujours fasciné. Et ça fait partie de ceux que je révisite toutes les fois. Et comme que je dis, j'ai pas pris beaucoup de notes parce que je suis incapable. Je suis absorbé à toutes les fois quand je réécoute ce genre de film. Et oui, je retombe en enfance. Comme ça l'a déjà été dit, je retombe en amour. Comme au même niveau que les Goonies, au même niveau que les Gremlins. C'est ce genre de film-là. Le principe même du Monster Squad, c'est quelque chose quoi, moi, j'adhère à 100 000 à l'heure. La fameuse cabane, c'est clair, je l'ai toujours voulu. J'en ai bâti des cabanes étant jeune, puis j'ai voulu avoir la cabane du Monster Squad. J'ai déjà voulu former le Monster Squad. Chacun des personnages est tellement intéressant. Ils ont toutes leur... C'est sûr que ça, c'est un petit point un petit peu fatigant quand je le réécoute aujourd'hui avec un œil un petit peu plus critique. Il aurait pu être un petit peu plus défini. Mais quand même, c'est ça. On a notre petit gros qui mange tout le temps. On a le petit timide que toutes les fois qu'il parle, les autres l'écoutent pas. Ils vont comme s'il n'existait pas. La petite fille est vraiment cool. Et puis, ben, que dire des monstres à part que ils sont vraiment cool. Quand on parle de la créature de Frankenstein, même quand il se fait poupouner par la petite, je trouve ça adorable, puis ça a toujours marché pour moi. Le personnage du loup-garou est vraiment cool. Son histoire est bonne, son interaction avec la police, ça me fait triper bien raide. Je peux-tu rajouter juste un petit point des ailes de poupée, Pierre? Justement, souvent, le werewolf, il est souvent beaucoup... sous-évalué dans les films, puis pas mal mis de côté, contrairement aux autres grandes créatures, puis c'est l'aspect qui m'avait le plus fait chier dans le Van Helsing de Stephen Sommer, c'est le fait que c'était juste comme le petit chien de Dracula, puis dans la plupart des films, même les Underworld, ça a quasiment l'air juste des petits chiens minables, tandis qu'ici, c'est vraiment, je trouve que la créature puis le mythe est vraiment traité avec respect, là, puis c'est vraiment réussi de ce côté-là. Là. J'aime bien la momie aussi. Comment est-ce qu'il se fait au nez par le... Oh, oui. Comment est-ce qu'il s'appelle le kid, le plus jeune, là, celui-là avec avec son perfecto, puis ses loafers et ses bas blancs qui déchire l'écran, quand que la momie se fait au nez avec un arc en plastique cheap. Non, sérieusement, je trouve ça de toute beauté, cette scène-là. J'adore. Je pensais que tu parlais du plus jeune. Tu parles du plus vieux, Rudy. Ouais, le plus vieux. Là. Rudy, c'est ça. Ben, comme je disais, d'un, lui, il était badass. Écoute, il fume. Hein? Oui. On s'entend, c'est vrai. Vraiment... Juste la première apparition quand il allume sa en allumette. Oui, c'est clair. En tout cas, c'est tout ce qu'il y a de beau... des enfants de cette époque-là. Et oui, chers auditeurs de la Gamer Gamer, je ne suis pas qu'une brute assoiffée de sang. J'écoute ce film-là et je deviens les yeux brillants comme une petite gamine. Je trippe sur Monster Squad. C'est un plaisir quasiment malsain, plaisir coupable. Est-ce que je vais me mettre à critiquer la réalisation? Absolument pas, je peux pas. Je la regarde même pas. J'embarque dans ce film-là. C'est un voyage, c'est un trip carrément. Je regarde-tu les effets? Je regarde-tu quoi que je peux dire que les effets sont très bons. Hein? Les maquillages, les créatures sont extraordinaires. Le loup... Stan Winston. Oui, ben oui. Le loup est pas parfait, mais il est quand même le fun. La momie est extraordinaire. Créature du Black Lagoon, ben je l'appelle comme ça. Vraiment bien fait. Sérieusement, non. Que dire sur The Monster Squad à part excellent film, tout simplement. La transformation du loup est meilleure que dans les deux films qu'on a parlé dans le dernier podcast. Curieusement, oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et c'est ce que j'avais à dire sur The Monster Squad. Désolé, c'est pas grand-chose, mais comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de misère à avoir un sens critique envers ce film-là parce que j'embarque tellement dedans. C'est tellement un de mes fun. Puis ouais. Jean-François. Oui. Ben, tu vois, dans mes notes, la transformation du loup-garou, c'était mon premier point. Je trouvais que c'était super beau. Il y a deux transformations. Celle-là dans le camion du coroner, juste sur découverte. Je trouvais que c'était très simple, mais très réussi. Puis la deuxième dans une cabine téléphonique, je trouvais qu'il marche très, très bien aussi. Ouais. Mais je voulais juste commencer. C'est moi qui ai eu l'idée du spécial Fred Decker. Je l'ai expliqué un peu la semaine passée pourquoi. J'ai pas nécessairement, tu sais, une grande histoire d'amour avec Fred Decker, mais c'est comme... J'ai vu Night of the Creeps en VHS il y a plusieurs années, peut-être une vingtaine d'années ou 15 ans peut-être. Puis Monster Squad, je l'ai vu plus tard, peut-être au milieu des années 2000. J'étais déjà à mi-vingtaine, près de la trentaine. Puis C'est ça, c'est pas le côté nostalgie, mais je pense que c'est la nostalgie de l'époque, parce qu'à l'époque que le film a été tourné, j'avais à peu près le même âge que ces enfants-là. Ouais. Mais en 87, j'avais 10 ans, fait que j'étais un petit peu plus jeune que d'autres, mais fait que, tu sais, je me rappelle de l'époque, j'aime ça, j'aime l'ambiance, j'aime les vêtements. Je suis pas du genre à aller m'acheter un coffret de passe-partout, là, tu sais, je suis pas nostalgique de ces des émissions, mais il y a quelque chose que j'aime, tu sais, j'ai aimé Super 8 de J.J. Abrams, j'aime cette ambiance-là de comme les vieux films de Spielberg aussi des années 80, les enfants de cette époque-là. Il y avait quelque chose dans les aventures de cette époque-là qui était le fun. Puis Monster Squad réussit bien ça, je trouve. Prend des enfants puis les amène dans un univers horrifique, puis c'est le fun. C'est juste le fun. Qu'est-ce que Fred Decker disait dans le commentaire? Il disait, dans les films récents d'horreur, ce qui arrive, c'est que tu arrives dans un univers où tu as envie de décrisser ton camp de suite. Tandis que d'un film que lui aime, c'est que tu as envie de rester là. Tu as envie de. Puis c'est ce qui arrive avec Monster Squad. Tu regardes ça, c'est comme mettre des pantoufles confortables. Tu t'assis là, tu regardes, puis c'est le fun. Tu as envie de rester là. C'est vrai, ça. Puis, dans mes points positifs, sont pas en ordre, là, en tout cas. J'ai marqué que le film a beaucoup de similarité avec Paranorman. Moi, j'ai beaucoup aimé Paranorman et je crois que Paranorman s'inspire un peu de Monster Squad. Il y a des trucs qui se ressemblent beaucoup là-dedans. J'ai pas noté exactement lesquels, mais je pense à la scène de la voiture avec la momie. Il y a une scène de voiture dans Paranorman qui est quasiment semblable avec des zombies où tous les protagonistes sont dans la même voiture puis se font attaquer par des zombies. Je trouve ça y ressemble. Ouais. Il y a différents trucs là-dedans qui ressemblent à Paranorman. Comme Steven disait, le film est très sérieux, avec du gore et des créatures qui sont là pour vraiment faire du mal. Il y a Dracula qui fait exploser la cabane, il fait exploser la voiture avec un policier dedans. Il y a Gilman qui tue des policiers et tout. Il y a aussi les parents avec le problème maritaux. Là, puis, comme on disait, il y a l'Allemand avec qui est un ancien prisonnier de camp. Ça, ça ground le film dans quelque chose de sérieux et de réel. Puis tout. J'aime que le film, comme Fred Decker l'a dit dans ses commentaires aussi, le film date d'avant la vague du politically correct qui est arrivé dans les années 90 surtout. Puis les dialogues sonnent comme des vraies choses que les jeunes disaient à l'époque, tu sais, le même genre d'insultes comme tout est gros, t'es un homo. Tu sais, ils sortent du bureau du directeur en disant ah, il m'a touché à ce type d'homo. Puis, puis je trouvais ça le fun, tu sais. Tu pourrais pas vraiment avoir ces dialogues-là avec des jeunes dans un film de nos jours, tu sais. T'as le père qui fume devant son fils puis qui mange de la junk avec lui sur le toit, tu sais, en écoutant un film, tu sais. Ah, c'est tellement beau, ce moment-là. J'adore ça, je trouve ça super touchant, tu sais. Tellement. Mais c'est tellement pas vraiment correct, dans un sens. Il est sur un toit comme ça avec son flou en train de manger de la junk, tu sais. Ouais, c'est ça, manger de la junk, c'est rendu politiquement incorrect. Puis en plus, ben là, être sur un toit de maison, on s'entend que c'est comme... tu sais, le gars, il pourrait se faire plus... fusiller sa place publique comme père irresponsable, s'il ferait ça aujourd'hui, tu sais. Tout à fait. les effets spéciaux, comme on disait, ça a très bien vieilli. C'est le studio Stan Winston. Ça, je trouve que ça marche très bien. Je trouve qu'il y a une belle direction photo, les couleurs, les éclairages, tout ça, c'est super bien travaillé. Dans mes points négatifs, moi, comme j'ai dit, je l'ai vu plus vieux, fait que je suis capable d'être plus critique que Pierre. Il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre tout à fait dans la logique du film, même si j'ai fait le résumé tantôt. Je comprends pas tout à fait le rôle du vortex. Tu sais. Je suis comme, OK, au début du film, on voit le vortex, il s'ouvre, mais il aspire la Vierge. Moi, je pensais que c'était juste pour aspirer les forces des ténèbres. Tu sais. Je pensais que c'était juste pour aspirer les méchants. Mais ça aspire la Vierge, ça aspire tout le monde. Puis même que tu as Van Helsing qui est là à terre, puis il essaie d'empêcher un squelette de se faire aspirer quasiment. C'est comme, mais voyons, mais laisse-les partir dans le vortex. Tu l'as ouvert pour ça, tu sais. Puis, je me dis, ben, OK, ils reviennent 100 ans plus tard. Ça a servi à quoi, le vortex, au début, tu sais? Non, c'est vrai, ça, par exemple. Mais tu sais, c'est genre de... Pose pas de questions. C'est ça, je voulais vous poser la question, mais si vous aviez une réponse pour ça, mais je comprends pas. Non, je peux pas. Moi, personnellement, j'ai aucune réponse à te donner. Je comprends pas la fête des 100 ans non plus. C'est à quelle date? Moi, je suis comme... Tout le long du film, je suis comme, oh, mais c'est quoi la date d'abord? C'est quoi la. Pourquoi cette journée-là en particulier? Qu'est-ce qu'elle a cette journée-là? Puis pourquoi à minuit? Pourquoi la Vierge? Puis pourquoi qu'il transporte le corps de Frankenstein dans un avion? Exactement. Tu sais, il y a plein de questions. Que... Pourquoi qu'il aille aux États-Unis pour. En tout cas. Mais oui. En même temps, le film est quand même assez court, 1h16, puis il est supposé avoir quand même pas mal de scènes qui ont été délitées. Je sais pas s'il y en a quelques-unes qui éclairaient sur les points que tu disais. C'est dans mes points que je trouvais que c'était trop court, c'est trop rushé. Il y a des... On saute vite aux conclusions. On dit, ah, vite, il y a des monstres, qu'il faut ça... il faut les combattre. C'est comme, il n'y a pas... Ça arrive trop vite. Tout arrive trop vite, je trouve. On ne développe pas vraiment les différentes pistes qu'on lance. Puis, tu sais, j'étais là à la fin. J'en regardais avec ma blonde, puis ma blonde a dit, OK, le vortex à la fin peut aspirer une voiture, mais le banc de parc, lui, reste là. La petite fille est accrochée au banc de parc. Le banc de parc, visiblement, il bouge. Là. Il n'est pas cloué là, mais il ne se fait pas aspirer. Mais tu vois la voiture, le Jeep qui se fait aspirer, en tout cas. OK, puis il fallait que je parle de ça. Là. Ça, c'était comme, oh my God, ça me fait lever le poil. C'est comme, ah, oh, ça me frustre. Le style thumbs up à la fin de Van Helsing. Ouais. Je pouvais effacer un moment dans un film. Là, de les films que je connais, je pense que ça serait comme, mais c'est donc bien mauvais, ça. Ouais. C'est donc bien mauvais. Ouais, c'est dur à débattre, ça. Qu'est-ce que je te dis? Van Helsing, il sort d'où, là? C'est quoi, c'est vrai, on l'a pas vu. Ça mène où, ce vortex-là? Moi, je pose encore la question, ça mène où, cette patente-là? Ben, ça a l'air d'être d'un vortex temporel qui marche avec le temps, mais encore là, c'est plus ou moins expliqué. Fait que c'est pour ça que ces scènes-là paraissent un petit peu ridicules. Ouais. Mais justement, les enfants ne se rendent pas compte de ça, ils ne se posent pas de questions. Non, c'est ça. T'sais. C'est le public cible. Oui, mais je pense qu'un des bons points de Fred Decker, c'est qu'il est capable de faire des histoires qui vont aussi bien marcher pour les enfants que pour les adultes. T'en parlais tantôt, justement, avec l'espèce de mise à terre que le film a avec ses termes sérieux, puis quand même assez réaliste sur certains points. Mais c'est vrai qu'à certains moments comme ça, on a de la misère un peu à mettre notre cerveau à off. Là. C'est vrai que c'est difficile, mais bon. Puis il y a le petit montage à la fin du film, au milieu du film, je veux dire, pas à la fin, au milieu, avec une petite chanson, puis qu'on présente ce qui se passe dans une journée pendant que la journée se déroule. Ça, on aime ou on n'aime pas. Là. C'est une des affaires qui fait partie des années 80. Puis, c'est ça. Fred Decker dit que depuis qu'il a vu le film Team America, il ne peut plus voir ce montage-là. Il dit que s'il referait le film, il s'organiserait pour faire cette scène-là autrement. Parce que... ouais, j'adore cette scène-là. Moi, montage d'entraînement dans Rocky IV là, avec la musique. Ça, oh non. Ouais, honnêtement, c'est juste la toune. Tu sais, il faut choisir des tonnes hein, pour le show. Puis ça, c'est la première. Écoute, quand tu cherches quelque chose sur Monster Squad, c'est la première qui pop partout. Et non, chers auditeurs, je ne vous ferai pas subir ça. C'est atroce. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant que le kid soit capable de faire des balles de fusil en argent. Ben oui, hein. Dans son cours de technologie ou je sais pas trop. Là, genre, il gosse du bois, puis là, un moment donné, il se met à faire des balles pendant que le prof ne regarde pas ou je sais pas trop. Là. Ils ont le temps d'en faire des affaires en une journée, en tout cas. Oui, mais ça. Ouais, mais je pense que dans les années 80, je pense que les journées avaient 32 heures, je sais pas. Je pense que c'était différent d'aujourd'hui. Oui. Mais c'est comme... le vortex, c'est le fameux vortex temporel de tout à l'heure. Mais comme, tu sais, je veux pas revenir sur tous vos points, mais comme vous avez dit, c'est une gang que t'as envie de faire, dont tu as envie de faire partie. T'sais. La petite fille est cute. Le petit garçon, je trouve, Eugène, il est tellement cute quand il dit « Oh, la momie est venue dans ma chambre. » Puis il va voir son père, il dit « Il y a un monstre dans mon garde-robe. » Puis son père, il niaise, puis tout. Puis « Il est là, le monstre. Il est vraiment là. » Ah, je voulais tellement voir le monstre, le tabasseur et le père. Là, c'est « Ah! » Il est tellement cute, le petit garçon. Il est pas méchant pendant tout. Tom Noonan, dans le rôle de la créature de Frankenstein, est incroyablement bon, je trouve. Vraiment, il était cœurant, cet acteur. Ses expressions faciales, juste quand il voit le masque de Frankenstein, là, l'expression qu'il a, là, ça me touche, c'est incroyable. Là, il venait de terminer Manhunter en plus. Oui. Après avoir tourné ce film-là. Puis je l'ai vu cette semaine dans un épisode, dans le plus récent épisode de la série de Blacklist, qui à mon avis, n'est pas une très bonne série, puis je suis sur le bord de la poche. Mais il faisait un tueur qui était vraiment. Qui est du genre, en tout cas, assez débile. Là. Puis non, c'est le fun de le voir encore acter. Puis ce gars-là, il est tout le temps fascinant. Là. Tu le regardes, puis il est fascinant. Tu sais. Puis le gars qui fait Dracula, je lisais quelque part, c'est pas dans mes trivia, mais ça va être un trivia anyway. Je lisais quelque part que sur une liste des. Sur un genre de sondage qu'ils ont fait pour savoir c'est quoi les meilleurs Dracula de l'histoire. Ce gars-là est arrivé comme d'un premier, je pense. Je me souviens plus à quelle position, mais il est assez haut dans la liste, là, tu sais. Si c'est pas en première position même, là. Ce gars-là, il est... C'est un truc à débattre, là, tu sais. Tout le monde a son opinion. Mais c'est un très bon Dracula, je trouve. Il joue très sérieux, là. Ouais, vraiment. Ah, c'est clair, il est très mm-hmm. bon. Avec classe et vraiment. Là. Oui, je ne connais pas cet acteur-là, mais non, il joue très bien, je trouve. Puis c'est ça, comme vous disiez, non, je suis d'accord avec le reste. Mais c'est ça, moi, c'est pas la nostalgie de l'avoir vu quand j'étais jeune, c'est surtout de l'époque. T'sais, j'aime ça l'époque, puis j'aime le style de Fred Decker qui est un peu cheesy. Puis, non, en gros, c'est ça. Mais je pense que, honnêtement, tu me rappelles le fait que, oui, moi aussi, il y a la nostalgie de quand j'étais jeune. Mais comme j'ai dit, quand je l'ai vu, moi, la première fois, il était en anglais. Je le comprenais pas trop, mais j'aimais quand même le look. Là, j'étais fasciné par le film. Mais oui, la nostalgie de l'époque, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui me fait encore un gros effet. Fait que je pense que c'est responsable de beaucoup pour moi aussi. Ta note, Jean-François? Ma note, ben moi je l'ai acheté, c'est l'édition 2 disques, fait que je vous conseille ça. Ben moi j'irais avec la même chose, mais personnellement, pour moi, ça, c'est s'il existe un collector edition avec des figurines puis la petite cabane en bois en modèle réduit, moi c'est sûr que je l'achète. Non, ça serait épique, hein? Oui, mais oui. Honnêtement, quelqu'un qui l'a jamais vu puis qui sait pas dans quoi s'embarquer, je conseillerais ça à tout le monde, mais avec à prendre avec ses yeux d'enfant, ben, je pense. Il faut être averti que c'est un film pour enfants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Au même niveau, justement, que tu parlais de Paranorman, je crois, même si c'est pas tout à fait dans la même dynamique, c'est vu dans le même niveau, je pense. Oui, oui. Kevin? Moi, mes yeux d'enfant sont morts, fait que... T'es mort! Non, mais moi, j'irais avec une location, parce que... Ben, je l'ai acheté, mais je pense pas que c'est le genre de film que j'aurais écouté dans le futur. Là. Steven? Je voulais juste rajouter un petit point avant de dire ma note. On disait justement que l'aspect sérieux était pareil présent, même si c'est un film familial. Mais même les quelques scènes d'humour qu'il peut avoir, c'est jamais lourd. Puis c'est même assez drôle. Je pense notamment lorsqu'ils débattent sur le fait si le loup-garou a des couilles ou pas. Puis qu'à un moment donné, il dit frappe-les dans les couilles, tout ça. Puis finalement, il frappe des couilles, puis il voit qu'il a mal. Puis il est comme il a vraiment des couilles! C'est la réplique la plus populaire du film, ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Je veux dire, même si le film est moitié familial puis moitié sérieux pour adultes, les quelques moments d'humour qu'il y a, c'est jamais lourd ou jamais tu vas comme faire « Ah ouais, c'est vraiment pour enfants. » Les scènes sont quand même assez comiques là, avec des bonnes répliques. Là. Oups, excusez. Tu tapes le mot « nerd » dans Google, tu check, je pense que c'est le dictionnaire Oxford, quelque chose du genre, tu regardes la définition, puis dans les exemples, le premier exemple, c'est « Wolfman's got nerds ». Excellent, ça. Ta note, Steven? Moi, c'est un collector edition, sans hésiter. Excellent, ça. Jean-François, je crois que tu as des trivia pour nous. Ça serait... C'est possible, oui. Fais plaisir à nos auditeurs qui en redemandent. D'accord. Ben, okay, j'ai vraiment été over the top cette semaine. J'ai écouté la version originale anglaise, j'ai écouté la version avec commentaire du réalisateur puis son directeur photo. Puis j'ai écouté aussi une vieille copie que j'avais quelque part de la version française. Wow. Puis il y a des petites perles là-dedans. Là, fait que j'ai la tête pleine d'informations sur Fred Decker cette semaine. Mais nice. Je vais essayer de faire ça pas trop long parce que sinon on fait un show de 3 heures. Là, fait que... Pas grave ça. OK. Fait que première affaire. Fred Decker avait une idée pour une suite. Ce serait que le père d'Eugène, le petit garçon qui voyait le monstre dans la momie dans son garde-robe, le père d'Eugène serait un pilote de chasse. Puis le film s'intitulerait « The Monster Squad », tenez-vous bien, « The Monster Squad versus Godzilla oh! ». Mais selon Decker, tout ce qu'il pouvait faire, c'est Godzilla, parce que tous les bons monstres avaient déjà été utilisés dans le premier film. Fait qu'il restait juste Godzilla. Puis, il y a quelques années, lors d'un visionnement du film au New Jersey, il était assis avec les membres de distribution, avec deux, trois jeunes du Monster Squad. Puis, j'osais avec eux autres, puis il dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on faisait une suite là, maintenant, 22 ans, 25 ans plus tard? Ils ont fini par arriver avec une petite histoire où, que, mettons, Rudy, le personnage plus vieux, serait maintenant, il travaillerait comme un garagiste à Détroit, un mécanicien dans un garage à Détroit. Son mariage va pas bien, puis il combat un problème d'alcoolisme, tout ça. Puis là, tout à coup, à un moment donné, il reçoit un appel de son vieux chum Sean qui lui dit « Man, il faut qu'on réunisse la gang. Oh. » Fait que c'était l'idée de base. Je veux tellement le voir, ce film-là. OK. Il y a Jason Eisner, le réalisateur de Hobo with a Shotgun, puis du court-métrage Slumber Party Alien Abduction de VHS 2, oui. Qui dit être un très, très grand fan de Fred Decker. Il dit que les jeunes dans son court-métrage dans VHS 2 ont été inspirés de ceux de Monster Squad. Il dit qu'il s'agit de son film pour enfants préféré et qu'il voulait réaliser un film pour enfants qui soit dans le même esprit. Puis il dit aussi que s'il pouvait ramasser un milliard de dollars pour faire un film, il le donnerait à Fred Decker pour qu'il fasse plus de films. Il est un fan de Decker au point d'aimer Robocop 3 que Decker a réalisé. C'est tout dire, tu sais. Hey, non, mais écoute, j'ai déjà un huge respect pour Jason Eisner. Puis là, il vient encore de monter d'une grosse coche, là. Il y avait une ligne de jouets qui devait être développée autour de l'ourson en peluche Scraps qu'on voit dans le film, que la petite Phoebe a tient dans ses bras mandés. Mais le projet n'a pas abouti. Fred Decker possède encore un des prototypes du jouet. Je ne sais pas si ça aurait marché. Il est pas mémorable, je trouve. Là. Non, moi, je suis encore stické sa cabane des bois miniature. La cabane dans l'arbre miniature. Ça, c'est un petit peu à côté, mais en tout cas, Fred Decker et Shane Black, son scénariste, ont écrit un scénario intitulé Shadow Company, qui aurait dû être le prochain film de John Carpenter après le film They Live. Mais le projet n'a pas abouti. L'histoire est celle d'un vétéran du Vietnam qui a de la difficulté à s'adapter à la société, puis qui s'intéresse de près à la découverte de 6 corps de soldats américains trouvés dans un temple au Cambodge. Puis après que les corps soient rapatriés au pays, les 6 morts ressuscitent, puis se mettent à tuer tout le monde, et puis le soldat doit essayer de les arrêter. Oh, wow! Un autre film que je veux voir. Et ça n'a rien donné. Selon Fred Decker, dans le commentaire audio avec son directeur photo, sa relation avec le producteur Peter Hyams était tendue, puis les deux ne s'entendaient pas toujours sur la façon de filmer les scènes. Je veux juste vous rappeler que Peter Hyams, c'est le réalisateur des films de science-fiction Capricorn One. Il a réalisé Outland avec Sean Connery. Il a fait la suite de 2001 Odyssée de l'espace, je pense que c'était 2010. C'est un réalisateur relativement... The Relic aussi. Film de monstre un peu oublié. Oui, ça me dit de quoi? C'était lui, ça? Oui. OK. Fait que c'est ça, ben, Hyams, vu qu'il était producteur, puis que Decker était encore un petit jeune de 26-27 ans, il faisait pas confiance, fait qu'il prenait souvent le contrôle, puis Hyams avait engagé beaucoup de ses habitués à lui sur le plateau, fait que ça aidait pas Decker pas en tout. Mais finalement, vers la fin du film, surtout la finale dans le square, tu sais, il a fini par voir que Decker savait un peu ce qu'il voulait faire, fait qu'il savait ce qu'il faisait, fait que Hyams, il allait, c'est la... Le contrôle, puis il a commencé à faire plus confiance. J'en ai encore deux, trois autres. Le créateur du costume de Gilman pour les studios Stan Winston, c'était un gars qui s'appelait Steve Wang. Puis les amateurs d'horreur sauront que Steve Wang est le réalisateur et le gars des effets spéciaux des deux films de Guyver. Yeah. Oh non, je savais pas. Là, tu viens de me donner une flèche dans le genou. Lui qui s'appelle de Gilman. Ah, oh, man, de Guyver. Il y a eu plusieurs gars, tu sais, je pense qu'il y a eu un gars différent qui a fait chaque costume, là, tu sais, lui c'est lui qui a fait de Gilman. Le dialogue où ce que le gros Horace suggère qu'il fasse un Mat Club à la place du Monsters Club est le seul du film à avoir été écrit par Decker et Shane Black ensemble. Pour tout le reste du film, ils ont travaillé séparément, chacun revoyant de leur côté ce que l'autre avait écrit puis en s'envoyant des notes. OK, ça c'est un petit peu plus random, mais en tout cas, une grande majorité du film a été tournée au studio de Warner Brothers, dans les backlots, c'est genre des plateaux en extérieur derrière les studios. Là. Lorsque Dracula fait exploser la voiture de police, on peut voir sur la même rue, en background, la maison de Charlton Heston dans Omega Man, ainsi que celle de Murtha dans Lethal Weapon, qui était aussi écrit par Shane Black. Tout ça, c'est dans le même quartier. C'est un quartier qui est pas... Tu peux pas aller visiter en tant que touriste, mais qui existe. C'est un plateau de tournage. Le diner qu'on voit dans le film aussi, à un moment donné, c'est la même bâtisse que le concessionnaire au début d'Omega Man, encore avec Charlton Heston. Puis le square, ben ça m'intéresse parce que, en tout cas, je vais vous expliquer pourquoi. Le square, à la fin du film, avec la petite église, les rues, tout ça, c'est un backlot derrière les Warner Brothers, c'est ce qu'ils appellent la Midwest Street. Ça représente une rue du Midwest américain. C'est là qu'ils ont tourné toute la série Gilmore Girls. Ils faisaient la petite ville, en tout cas. Là, ils ont tourné Dukes of Hazzard, de la série. Ils ont tourné l'original Ocean's Eleven. Ils ont tourné toutes sortes d'affaires, là, de la comédie musicale de Music Man. Tout a été... En tout cas, il y a plein de choses qui ont été tournées là. C'est juste que c'est tourné de manière différente à chaque fois. OK. Puis juste deux, trois petites affaires sur la version française que je trouvais bien drôle. Là. Le Horace, qui se fait tout le temps appeler Fat Kid en anglais, devient Grassouille en français. Ce que je trouve très mignon. Grassouille. Lorsque Sean, au début du film, demande à son père qu'est-ce qu'ils s'en vont faire dans la soirée, parce qu'il parle avec son père, son père est assis sur un lit, il fume, puis il dit, tu me passes-tu de l'argent pour aller voir un film, puis tout, puis il dit, qu'est-ce que vous allez faire à soir? En anglais, il dit, on s'en va en marriage counseling, t'sais, il s'en va en... C'est quoi en français? C'est conseiller matrimonial. Exactement. En français, dans la version française, il dit, on s'en va au théâtre. Ouais. ce qui change beaucoup d'informations dans le film. Ben, quand on voit le père, deux minutes après, à la porte, qui parle à sa femme, il dit, ben, on en remettra notre sortie à plus tard. Ouais, mais pourtant, ça marche comme pas. Là. Non. Quand il parle, justement, le flow, il dit, je vais aller voir le film Groundhog Day Part 12. T'sais. En français, il dit, je peux-tu aller voir les griffes de la nuit griffes de la nuit 12? Puis son père, il dit, ouais, mais tu sais, Freddy se fait tuer à chaque fois dans le film. C'est plus un axe murderer, c'est Freddy. Ouais. Ah, les traductions françaises, hein? Et je trouvais ça intéressant que ce soit un axe murderer, parce que c'est un axe murderer qu'on voit au début de Night of the Creeps, qui était son film précédent, en tout cas. Mm. Puis, ça, c'est mon affaire la plus drôle que j'ai dit toute la semaine. J'ai pas arrêté de lancer cette réplique-là à ma blonde. Les nards, les couilles, deviennent en français des roustons. C'est tape-lui dans les roustons. Ah, c'est. Il n'y a pas de roustons. Eh oui, tape-lui dans les roustons. Puis, oh, ça alors, il en a. Oh my God. Wow. C'est ça, tu vois que j'ai parlé une demi-heure, là, mais c'est ça. Je voulais dire une petite affaire, je ne sais pas si tu le savais sûrement, Jeff, que Night of the Creep, en tant que test, c'était pas supposé être son premier projet. Il avait déjà travaillé sur un scénario que finalement c'est tombé entre les mains de Steve Miner qui était supposé être House. Ben oui, c'est ça. Il a écrit l'histoire de House, mais ça a été. Le scénario est écrit par quelqu'un d'autre, je pense. Ouais, c'est ça. Puis Steve Miner a fait le film, ouais. Wow. Puis Miner, ben c'est un de ses amis. Ils ont été à l'école ensemble. Je me trompe peut-être avec Shane Black, mais je sais qu'il est ami avec Steve Miner. Oui, c'est ça, t'as raison. Puis tu sais, il y a un personnage dans Night of the Creep qui s'appelle Miner aussi à cause de... Mais son inutile aussi de mentionner que Robocop 3 a beaucoup nué à sa carrière puis qu'il a failli faire une dépression à cause de ça. Ben tu sais, ça fait genre 25 ans qu'il n'a pas fait de film. Là, est-ce qu'on a pas mal fait le tour? Oui, moi c'est tout. Bon, ben écoute, on va prendre un petit break, on va y aller en musique. Comme j'ai dit, je voulais pas mettre la musique, justement, le Rock Until You Drop de Monster Squad, parce que c'est vraiment pénible. Oui, j'aime le rock and roll kitsch des années 80, mais il y a toujours des astis de limite. Fait que j'y suis là, écoute, on est en fin octobre, on est dans le mood de l'Halloween. Alors, j'ai dit qu'un Goblins sont passés pas plus tard que la semaine dernière. Alors, pourquoi pas vous faire écouter un petit peu de Goblins? C'est sûr que ça aurait été un petit peu plus approprié dans le jeu italien, mais bon. On va y aller écouter la tune d'un de mes films préférés d'Argento, Tenebrae. Thank you. Eh bien, nous revoilà pour la continuité de ce double spécial double film de Fred Decker. Nous allons continuer maintenant avec Night of the Creep, qui est écrit et réalisé évidemment par Fred Decker, qui date de 1986. Night of the Creep prend place dans les années 50, lorsque dans l'espace, dans un vaisseau extraterrestre, un petit alien tente de sauver avec une expérience qu'on ne sait pas trop ce que c'est, qui a été faite dans le vaisseau, alors qu'il se fait poursuivre par ses petits amis, qui décident de balancer leur expérience hors du vaisseau vers la direction de la Terre. Ensuite, on voit un couple qui sont partis sur le bord d'une colline pour se piloter. Je sais que c'est pas classe, mais je trouvais que ça avait de l'allure, là, se plater. Non, je pense que tu as très bien choisi ton expression. Exactement. Et qui voit une étoile filante finalement défiler en direction de la forêt, de pas trop loin d'où ce qui se trouve. Et en fin de compte, c'est le genre de petit gobelet que l'extraterrestre a balancé. Alors évidemment, le couple décide d'aller voir ce que c'est. Au moment de son arrivée, la fille attend dans la voiture pendant que son chum va voir. Et à son arrivée, c'est pas une météorite, dans le fond, qu'il voit, c'est une espèce de gobelet ouvert et une sangsue s'en échappe pour aller directement dans sa bouche. Ensuite, le film prend place dans les années 80 avec les deux personnages de Chris et Jesse. Pour être acceptés comme membres d'un groupe d'étudiants, doivent trouver un cadavre et le déposer devant l'édifice de l'université. Ils découvrent dans un laboratoire le corps d'un jeune homme conservé en congélation depuis les années 50, qui est évidemment le doute du début. Ils sont loin de se douter que d'étranges créatures extraterrestres habitent la dépouille du cadavre. C'est alors que la communauté étudiante sera bientôt victime des envahisseurs. Wow! Bravo premièrement pour ton résumé qui est sans faille que je pourrais malheureusement pas faire de bloopers avec. Ouais, j'étais un peu déçu. Je pense que c'est toi, Jean-François, qui m'avait fait remarquer que le titre français de Night of the Creep, c'est La nuit des sangsues. La nuit des frissons. Non. Oui. Moi, je l'ai connu quand je l'ai loué la première fois par La nuit des frissons. En France, je crois que c'est La nuit des sangsues. Ouais, parce que sur IMDb, je l'ai vu comme étant La nuit des sangsues. Moi, j'ai extra sensu. Oui, si tu vois sur IMDb la version française, tu vas avoir extra sensu. Wow! Bon. Jean-François, es-tu bon pour nous donner ton avis sur Night of the Creeps? Oui. Puis juste pour rester sur les titres, quand tu vas dans Monster Squad, je crois qu'en France, ça s'appelait Monster Club. Oh! Hey, soit dit en passant, on va en profiter. Juste dans même un petit clin d'œil des auditeurs français parce qu'on en a de plus en plus. Et je voudrais remercier Podcast France qui est celui qui m'a fait remarquer récemment qu'on avait des gros problèmes avec iTunes et Apple. Merci, dude. C'est pas fini cette guerre-là, mais on travaille très fort sur la situation. Excuse-moi de t'avoir coupé, Jean-François. Aucun problème. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai vu ça. Je pense que j'étais dans la mi-vingtaine. Ce film-là, à l'époque, les premières fois que je l'ai vu, je l'aurais défendu, ce film-là, corps et âme. Là. J'étais en amour avec ce film. C'est un film qui... Si j'ai choisi ces deux films-là pour notre épisode, c'était que je trouvais qu'à l'approche de l'Halloween, c'est deux films qui contiennent tellement de trucs qui font référence à l'Halloween, sur tous les monstres de Monster Squad. Et dans Night of the Creep, t'as des zombies, t'as des aliens, t'as des sangsues, t'as toutes sortes d'affaires... Puis ce que j'aime de ce film-là, c'est son côté over the top, c'est son côté nostalgique, son hommage au début aux films des années 50, aux films de série B des années 50, qu'on pense à The Blob, le météorite qui tombe, c'est tout à fait une référence à The Blob. Il y a tellement de trucs là-dedans à analyser, puis il s'en passe tellement. Mais en vieillissant, je trouve que ça vieillit mal. Je le regarde aujourd'hui, je suis comme... Ouais, je sais pas, je m'emmerde un peu. Par bout, je m'emmerde. J'ai la soundtrack qui sur CD, puis j'écoute ça, puis je m'endors. Là, la musique est vraiment emmerdante. Synthétiseur, là. Je pense que Fred Decker voulait une musique orchestrale, puis il n'y avait pas le budget pour ça. Fait que, il s'est contenté de ça, puis ça marche, là, mais c'est pas extraordinaire. Dans les points forts que j'ai notés, Tom Atkins. Je ne peux pas passer par-dessus. Là. C'est l'acteur du film qui vole la vedette. Tout à fait. On avait vu dans Escape from New York, on avait vu dans The Fog et dans Halloween 3. et qui, dans ce film-là, vole la vedette. Il y a des répliques savoureuses. Quoique, je dirais que, vu que Fred Decker était quand même assez jeune, je pense qu'il écrit ce film-là qu'il avait 25 ou 26 ans, je trouve que les répliques, maintenant, moi, dans le étant le moi que je suis maintenant de 36 ans, je trouve que ces répliques sont très enfantines. Mais je pense que les premières fois que je l'ai vu, je trouvais ça le fun, je trouvais ça drôle. À cette heure, je regarde, puis je suis comme, ouais, tu sais, il répond au téléphone, puis il dit, tu sais, il se fait demander, êtes-vous détective Cameron? Non, c'est Bozo le clown. C'est comme, ouais. Ta gueule! Oui, mais il reste que la ligne, I've got good news and bad news, girls, ouais. Cette ligne-là est quand même reconnue au travers de toute la communauté de l'horreur comme une des plus épiques ever. Là. Excellent. Ah, son Thrill Me aussi. Là, oui, Thrill Me. Ça aussi, c'est magique. Puis, en français, épatez-moi. Épatez-moi. Oh, wow. Non, c'est des répliques iconiques. Là, c'est comme le Wolfman's Got Nards de Monster Squad. Mm. Wow. J'aime beaucoup le personnage de JC, Steve Marshall. Ouais. Steve Marshall. Je trouve qu'il est très, très touchant. Son jeu n'est pas toujours extraordinaire. Ses répliques ne sont pas toujours très, très intelligentes. Mais dans l'ensemble, je trouve que le personnage est très, très intéressant. Du fait qu'il est handicapé, du fait qu'il est très dévoué à son ami. Je pense qu'il y a peut-être un sous-texte homosexuel. Là, je pense qu'il dit souvent que je t'aime, je t'aime. Et je ne sais pas à quel point est-ce qu'il l'aime vraiment d'amour ou c'est juste par amitié, mais il y a quelque chose de très touchant dans ce film-là par rapport à lui. Je pense qu'on aimerait tous avoir un ami comme ça qui est aussi dévoué que ça à nous, puis à notre bonheur. Tellement! J'aime beaucoup le look des zombies. Moi, personnellement, les zombies des années 80, avec les yeux creux, là, un peu comme dans Thriller, comme dans Return of the Living Dead, dans Day of the Dead de Romero, je trouve que ces Thriller, ces zombies-là sont badass. Là. J'aime vraiment le look des zombies des années 80. Ça, c'est les gars qui ont fait des zombies de ce film-là, c'est Howard Berger puis Robert Kurtzman de KNG, je pense, KNB, mais c'est oui, plus c'est du studio. Ça. Puis c'est une de leurs premières jobs, je pense qu'il faisait Evil Dead en même temps, ou l'année suivante, il travaillait sur Evil Dead 2, je veux dire. C'est évident, hein, soit dit en passant, il y a même certains zombies qu'on croirait même entrevoir la version de Ash possédée quasiment des Evil Dead 2. C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Puis les deux apparaissent dans les deux gars, Howard Berger puis Robert Kurtzman apparaissent dans les ils font partie des bêtas dans le film quand ils sont devenus zombies. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? La passe de la rose. Ok. Quand le détective Cameron arrive à la maison des filles puis s'arrête pour sentir une rose, je trouve ça génial. C'est l'acteur qui a suggéré ça à Fred Decker puis je trouve ça génial. Je sais pas pourquoi je trouve ça génial mais je trouve ça génial. Non ben ça s'explique pas mais ça m'a remarqué aussi mais cette fois-là, quand je l'ai écouté la semaine dernière, ça m'a marqué. Je pense que je ne l'avais jamais vu avant. Ça m'avait jamais fait le déclic, mais là, j'ai vu et j'ai trouvé ça génial. Puis, spoiler alert, à la toute fin, quand on voit la bâtisse en flammes, on a une shot de la rose en avant-plan avec en background la bâtisse qui brûle. Puis, bon, Cameron est en train de brûler dedans. Je trouve ça génial, ce plan-là en particulier, je le trouve super beau. Je voulais juste mentionner aussi que dans Monster Squad, il y a un plan particulier que je trouve super beau, c'est quand on voit les jeunes marcher sur la route de derrière avec un coucher de soleil, puis on voit Frankenstein, puis le chien, puis tout, je trouve ça super beau, ce shot-là. Mm-hmm. C'est la même chose dans Knights of the Creep, il y a une shot en particulier, c'est celle-là, c'est la rose avec la bâtisse mm-hmm. derrière qui brûle. Il y a aussi une shot que j'adore, c'est le plan dans la cuisine, où ce que Cameron est en train de se préparer à partir, puis il passe de gauche à droite dans la caméra, puis on voit son four parce qu'il était sur le point de suicider, le gars, de faire sauter sa maison avec son four allumé, puis tout. Puis on le voit passer une couple de fois dans la caméra, tu sais, il met son manteau, il prend sa mitra, son shotgun, je veux dire, il se prépare à partir, là, il ferme son four. Je trouve ça super beau, c'est un plan où la caméra avance tranquillement, puis je trouve ça vraiment très, très beau. Un autre de mes points positifs, je vais essayer de faire ça vite, c'est la présence de Dick Miller dans le film. C'était dans mes trivia, mais je vais vous en parler tout de suite. Dick Miller est un acteur qui joue depuis les années 50, ou peut-être même les années 40, je ne suis pas sûr. Ce gars-là a joué dans une tonne de films. C'est lui qui fait l'armurier dans le film, qui va donner le lance-flamme au détective Cameron. Puis ce gars-là, on l'a vu dans les Gremlins, dans les deux Gremlins, on l'a vu dans The Terminator, on l'a vu dans Chopping Mall, dans The Howling, dans une tonne de films. Ce qui est intéressant, c'est que son personnage s'appelle Walt, Puis c'est en fait, le nom complet de son personnage, c'est Walter Paisley. C'est un personnage que le gars il a joué genre 6 fois dans 6 films différents depuis 1959. Wow. Ça pour la première fois dans Bucket of Blood de Roger Corman en 59, qui d'ailleurs était le seul film de toute la carrière de Dick Miller où ce que Dick Miller avait le premier rôle. Son personnage, je viens de l'acheter justement en plus. Son personnage s'appelait Walter Paisley, puis il l'a joué 6 fois sous des traits, je veux dire, de manière différente. C'est un peu un genre le François Pignon, là, comme pour les Français. En tout cas, il a joué dans plusieurs films, puis je pense qu'il a joué dans Twilight Zone aussi, son personnage, puis dans toutes sortes de films. Fait que je voulais juste revenir là-dessus. Dans mes points négatifs, l'acteur principal, Jason Lively, je le déteste. Je le trouve mauvais. Et je trouve que c'est un mauvais personnage principal. Je trouve qu'il est laid psychologiquement, le personnage. Il se plaint tout le temps. Il n'y a aucune gratitude pour son ami. Il réussit enfin à voir la fille. Elle vient se confier à lui. Elle a toute peur. Puis tout ce qu'il pense, c'est qu'il regarde son chum en levant le poing d'un air. Yes, j'ai eu la fille. C'est comme, mais t'es donc bien moron, tu sais. J'étais là, je le regardais tout le long. C'était comme, mais t'es donc bien moron, man. Puis, dans mes autres points négatifs, pourquoi est-ce que la police n'est pas sur la route 66 au début des années 50 quand à la radio, ils disent que le tueur est là puis il se dirige vers telle université? Pourquoi est-ce que la police n'est pas sur la route? Je me suis posé la question, je suis comme, mais pourquoi? La musique, lors du montage, avant que les jeunes se rendent au bal, il y a des filles qui prennent leur douche, des hommes qui se rasent, qui prennent leur douche. La musique est vraiment affreuse, là. le look des bêtas, les moustaches, les mollets, le couple Longueuil. On dirait une équipe de hockey dans l'ancien compte des 80. Ils sont badass, moi, je les ai aimés. T'sais, on dirait mes mononcles, les 80. Là, les yeux du chauffeur d'autobus avant qu'il entend la vision, les yeux qui grossissent, un peu comme dans Twilight Zone, dans l'affaire dans l'avion avec John Lithgow. Ah, ouais. Avec mais John Lithgow, comment marche. Ça a été fait? Explique-le-moi. C'est de la glaise qu'ils ont pris. C'est une tête de glaise. OK. qu'ils ont pris parce qu'ils trouvaient que l'acteur avait pas assez le facial, justement, l'expression faciale appropriée pour la scène. Fait qu'ils ont fait, ils ont créé une tête en glaise. Est-ce que ça marche dans le film? Est-ce que tu trouves que ça marche? Non, du tout. c'est un moment que tu ris. Justement, il y a beaucoup de moments dans le film où ce que. Notamment avec le chien zombie, là. C'était mon dernier point, la face du chien. Excuse-moi, vas-y. Que même Fred Decker déteste aussi. En fait, c'est mon dernier point négatif. J'avais deux petits points qui étaient comme neutres, en fait. Je voulais juste les mentionner. Dans le film, on voit un duo de policiers, exactement comme qu'on va voir plus tard dans Monster Squad. Un homme blanc, un homme noir, puis je trouvais que c'était un drôle de parallèle. Là, que Fred Decker a comme écrit la même chose, comme un duo de policiers. Puis il y a une autre affaire aussi. Il a écrit un même genre de speech dans les deux films où ce que tu as le policier principal dans les deux films qui va dire, à un moment donné, en arrivant sur un lieu d'un crime, il va dire, un cadavre de tel âge ne se lève pas pour se mettre à marcher tout seul par lui-même. Puis là, tout de suite après, ça coupe par un plan des pieds dans la rue du cadavre en question qui se met à marcher. Dans les deux films, tu as exactement la même maudite affaire. Wow. Mmh. Fait que non, c'est juste ça. Fait que, en gros, j'ai tout lu mes points, mais... J'aime beaucoup le film. Il y a des points négatifs et tout, mais je trouve ça intéressant comme film. Je vais vous laisser parler, là, puis, mais c'est ça. Bon, mais Kevin, vas-y donc voir, t'étais bien parti. Ouais, ben moi, j'ai contrairement à Monster Squad, j'ai bien aimé ce film-là. Je l'avais pas vu étant jeune, c'était ma première écoute. Puis un peu comme t'as parlé, Jean-François, Tom Atkins dans ce film-là, il est incroyable. Ouais. On peut dire un peu de spoilers Vas-y, modérément, d'un coup. Je sais que le film n'est pas jeune, mais quand même, j'aime toujours hésitant à spoiler. Il y a une scène, justement, où on voit le détective Cameron pour la première fois, puis il est comme en train de... Il est sur la plage, mais dans un rêve. Puis c'est un beau rêve, puis tout, là, ça coupe. Puis c'est comme, il revoit les événements qu'on voit au début avec le tueur fou. Sauf que cette fois-là, c'est en couleur. Puis j'ai trouvé ça... Un beau comeback. Tu sais, dans les films, des fois, c'est pas tout le temps bien fait. Mais là, j'ai trouvé ça beau. Puis. Excuse-moi. Des souhaits. C'est ça. Mais c'est le fun, je m'excuse de t'interrompre. C'est le fun qu'on le voit, tu sais, dans ce petit flashback-là, que pendant un plan, il y a la main de la fille dans ses mains, puis après ça, il y a son shotgun, puis c'est pas vraiment nécessairement expliqué ou vraiment, ils mettent pas l'accent là-dessus tant que ça, mais on... D'autres, en tant que spectateur, on le voit, puis on se dit, mais non, dans mes bizarres, puis en même temps, mais tu comprends que c'est un rêve, puis tout peut arriver dans un rêve, tu sais. Non, c'est ça, exactement. Dans la version, avec les commentaires de Fred Dekker, il en parle un peu. Oui. C'est ça, qu'il l'explique comme ça. Sinon, la scène aussi, où que, quand ils s'en vont pour chercher leur cadavre, là, le laboratoire, j'ai trouvé vraiment très bien fait, là, avec le... Toutes les pitons pis tout, pis t'sais, t'as comme les deux qui essaient de toucher un peu à tout. Ça a l'air d'une des navettes du premier Enterprise. Ouais, c'est vrai. Sinon, je vais passer un petit point négatif tout de suite. Justement, avec la scène du début de l'intro, pis ce bonhomme-là congelé, je m'explique pas comment que, en mettant 1953, pourquoi c'est pas arrivé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pas du tout. Ben, tu sais, avec les sangsues, là. Ouais. Tu sais, le gars, il a des sangsues qui l'attaquent. Mais comment ça qu'il se fait congeler? Puis qu'il n'y a pas de d'épidémie, si tu veux, genre de creeps, puis tout. Ben, d'après moi, je pense qu'il y en avait juste une dans le genre de gobelet. Puis le temps qu'elle pondre ses œufs dans le cerveau, ils l'ont peut-être juste congelé ou je sais pas trop. Ouais, mais pourquoi? Ça. Pourquoi? Tu sais, je veux dire, il découvre le cadavre de la fille. Le gars, il est à 30 pieds, puis. Pourquoi il se fait congeler, genre, c'est la même question que je me suis posée quand Cameron, plus tard, il va dire dans le film, il va dire ça au personnage principal, il va dire à l'époque, moi j'ai trouvé ma petite amie dans le char en différentes pièces. J'ai trouvé dans le fossé, dans le char, dans la rue. Ça, c'est une autre belle scène de Cameron. De Atkins. Oui, c'est ça. Puis il dit mon coéquipier a trouvé le cadavre du gars dans la forêt. Moi, je me suis demandé, pourquoi est-ce que son coéquipier ne l'a pas... qu'est-ce qui s'est passé, rendu là? Pourquoi est-ce qu'il... Les scientifiques qui l'ont pogné puis qui l'ont congelé, qu'est-ce que c'est... Il y a un trou là, dans l'histoire, tu sais. C'est ça, c'est pas expliqué. Puis aussi, t'as les aliens du début, pourquoi ils se sauvent avec la petite affaire, tu sais? C'est les mêmes races d'aliens, tu sais. Je pourrais comprendre, mettons, une guerre en différentes races, mais là, t'as comme... T'as écouté le commentaire audio, hein? Ouais, exact. T'as-tu compris ce que Dekker dit à un moment donné? En tout cas, jusqu'à cette semaine, j'avais pas compris pourquoi est-ce que les liens volaient cette petite affaire-là. OK, tu l'as compris? Dans le commentaire, il dit, regardez comme il faut, les yeux de l'alien sont blancs, sont comme voilés, sont comme les zombies. Okay. Il est zombifié, le petit alien qui vole. Tu vois, c'est intéressant, j'avais pas remarqué. Les autres ont tous les yeux noirs, puis lui, il a les yeux blancs. OK, bon, tu vois, t'es clair, ma lanterne. Mais en plus, en tant qu'aide sur les aliens, je trouvais ça drôle. C'est des nains qui ont fait les personnages dans des costumes, tu sais. Puis on sait que c'est toujours drôle, des nains. Ben, tu sais, ça annonce un peu la couleur du film. Tu sais que tu as affaire à une comédie d'horreur un peu en voyant ça. Sinon, un autre point négatif, c'est la scène où ce que... Comment il s'appelle? Chris, c'est ça? Oui. Il rencontre Cynthia. Puis là, ils sont à une danse. Puis toi, tu trouvais ça un peu long. Puis, tu sais, le développement qui parle avec son ami. Puis là, on va-tu voir la fille? Puis là, je trouvais ça un peu long puis pas nécessaire. La façon qu'il découvre le cadavre, l'expression « corpsicle », j'ai trouvé ça assez solide. J'avoue que c'est fort. Pour de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a tellement de choses à dire, mais je pense que je vais laisser Steven en dire un peu. Ben, si ça te dérange pas, je vais y aller justement. Pierre, c'est ça, j'allais dire Pierre. Night of the Creeps. Écoute, ce film-là, c'est encore une fois, c'est un film que j'ai vu maintes et maintes fois. Et je pense que c'est le pire film en matière de stéréotypes, dans le sens où, tu sais, quand le monde juge les films d'horreur en disant que c'est toujours comme ça, puis c'est toujours comme ça, mettre tous les pires clichés que le monde aime pas dans un film d'horreur et ça donne Night of the Creeps. Puis, c'est un film qui est épouvantable. Au niveau de sa réalisation, c'est vraiment pas vergeux, c'est très, très, très banal. Le personnage principal, comme tu l'as dit, Jean-François, il est faible, tu sais, ben pas faible dans le sens que c'est un mauvais personnage. On le comprend très bien, il est bien défini, mais on s'y attache pas, il nous tombe ses nerfs, il est comme non, et ça ne marche pas. Que dire, est-ce que c'est cheesy, ça arrête juste plus. Même que, écoute, à la base des sensus, c'est beaucoup trop cheesy pour faire peur. Un paquet d'éléments comme ça qui font que non, ce film-là, il n'y a rien pour lui. Mais Christ, que c'est bon! je me l'explique jamais pourquoi je trouve ça bon, ce film-là. Puis encore aujourd'hui, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui marche. Puis la petite fille, elle a beau être cute, puis je trouve ça particulièrement sexy, une fille avec un lance-flamme. Je sais pas pourquoi, là, ça, c'est mon petit côté déviant, je sais pas trop. Mais ça peut pas être ça. Tom Atkins, oui, on en a parlé. Ben lui et moi, écoute, toutes les fois qu'il est devant une caméra, je pense qu'il crève l'écran. Puis dans ce film-là, vraiment, ça, il est vraiment en valeur. Mais encore là, je comprends pas qu'ils puissent racheter ce film-là. Mais ça marche. Le gore est très bon, ça, je vais le donner. Les effets, le gore, comme on en a déjà parlé, les zombies sont très bien faits. Le gore est efficace. Écoute, on a une coupe de tête qui se rouvre au niveau du front pour laisser sortir les créatures et c'est vraiment bien. Des belles petites scènes. Les cheap scares avec un chat dans une fenêtre, que ça, c'est comme un classique. Ça fait partie des clichés, justement, qui sont impardonnables, mais qu'il fallait qu'ils mettent là-dedans. J'aurais voulu un petit peu plus d'extraterrestres dans ce film-là. J'aurais voulu qu'ils reviennent, mais tu sais, de façon huge. J'aurais voulu un epic battle à la fin. J'aurais voulu plein de choses. On dirait que ce film-là me laisse sur ma faim, mais je l'adore, puis je me l'explique mal. Je sais pas si c'est l'époque, je sais pas si c'est... J'ai de la misère, mais c'est ça. J'ai que dire à part que je le revisite souvent, puis je me questionne à toutes les fois qu'est-ce que j'aime dans ce film-là. Puis je le sais pas. Mais c'est un bon film. C'est un bon popcorn flick que je pourrais écouter n'importe quand. Présenter à des gens, dire comme écoute là, casse pas ta tête, on se met Night of the Creeps, puis on va rire un bon coup. Puis il est facile à vendre pour son overall, parce qu'il est quand même très beau, mais écoute, scénaristiquement parlant, c'est assez faible. Tu parlais des aliens, il faut juste mentionner que dépendamment de la version que vous regardez, si vous regardez des Director Scott, les aliens reviennent à la fin. Mais la version qui sont au cinéma puis en VHS, ils reviennent pas. Ben vois-tu, j'ai dû regarder la version originale sur moi. Parce que moi, ils ne viennent pas dans la version que j'ai, curieusement. Okay. Puis, mais on les voit pas, on voit seulement le vaisseau. Non, c'est ça, on voit juste le vaisseau. Ah, ben ok, ouais, ça, oui. Ouais. Mais quand même, je veux dire, c'est ça, je voulais un Epic Battles. Parce que ce qui me fatigue, c'est que notre antagoniste se trouve être justement des grosses sangsues vraiment pas bêtes. Qui, soit dit en passant, une couple de fois, ils sont vraiment creepy, là, sont dégueulasses, puis écoute, là, je pense à la scène justement avec Tom Atkins, quand il a son duct tape dans face, puis qu'il veut pas se faire gober, il y en a des gros modons partout, c'est dégoûtant, là, sérieusement, c'est le seul CGI du film, en plus, dans ce... Je sais pas si on peut appeler ça du CGI, ce niveau-là. C'est du stop motion, je pense. Ouais, je pense que ouais. Hein. Quand il y a... Non, mais quand ils sont un ramassis, là, de sensu... C'est du stop motion qui disait... Ah ouais? Okay. Si tu regardes la version DVD avec des... Il y a des trivia en sous-titres. Wow! Okay. Il y a une piste de sous-titres de trivia. Si tu regardes à la fin, c'est marqué « C'est fait dans stop motion ». Fait que ça, c'est comme si on écouterait le film avec toi. C'est que ça. c'est étonnant de même. Et est-ce que je vais rajouter? Ah, excusez, j'ai oublié. En tout cas, continue. Mais il n'y a pas de problème. Mais en gros, moi, je pense que j'ai fait le tour, puis je cherche mes mots. J'essaie de défendre ce film-là. Puis non, j'ai pas besoin. C'est un bon film. Un cheese dick fest. C'est fromagé comme c'est pas possible. Mais c'est le fun à regarder. C'est cave un petit peu. Mais écoute, c'est tout ce que je peux en dire. Je pense que c'est pas là que c'est... C'est pas dans ce film-là que Fred Decker va vraiment briller comme de quoi que... C'est pas un exploit de réalisation, mais ça reste un bon film en général. Je pense qu'il y a vraiment une marge entre Monster Squad et celui-là, justement, au niveau de la technique, si on veut. Je pense que Monster Squad est beaucoup mieux exécuté. Mais quand même, là, je veux dire, c'est pas quelque chose qui jure, puis c'est pas quelque chose qui fait mal. Fait que... Peux-tu juste rajouter quelque chose? Ben oui, vas-y. En tout cas, je voulais dire aussi, je disais que les répliques faisaient très enfantines. Moi, si je regarde ce que j'ai fait quand j'avais 25 ans, je vais trouver ça super enfantin. Dans le contexte d'un film sérieux avec des acteurs adultes, là, je fais le signe avec mes doigts de guillemets, mais personne ne le voit, adultes, ça marche moins, je trouve, que dans Monster Squad, où l'écriture de Fred Decker, qui à cette époque-là était très enfantine, parce que lui-même avait genre 25-26 ans, je trouve que ça marchait mieux dans Monster Squad, dans la bouche de jeunes enfants. Tandis que dans la bouche d'un gars comme Tom Atkins, je suis pas trop sûr. Il y a des répliques qui sont très très bonnes, comme on a dit, là, mais je suis pas trop sûr de des affaires comme Bozo le clown, puis je suis pas trop sûr. Là, ouais, non, je suis d'accord. Fait que c'est ça. Je pense que c'est, ouais. C'était mon opinion. Steven? Ben moi, j'ai pas eu une première expérience convaincante avec Night of the Creep. J'étais quand même assez jeune la première fois que je l'ai vu. J'avais été à mon club vidéo qui avait sa super section horreur comme il n'en existe plus maintenant, malheureusement. Puis je m'amusais à essayer de louer tout ce qu'il y avait pour au moins avoir tout vu. Puis à un moment donné, je suis tombé sur la petite pochette que ça disait en français « La nuit des frissons ». Puis là, sur la pochette, tu vois comme un genre de gars qui s'en va pour un bal, mais de manière zombifiée, derrière la boîte avec. Fait que je savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai loué, j'arrive chez nous, je mets la VHS, puis quand le film commence, il y a le générique, puis là, le titre, ça dit « Extra sensu ». Fait que là, sur le coup, j'étais comme hey, « fuck, ils m'ont pas donné la bonne cassette », parce que c'est le genre de choses qui arrivaient des fois dans ces années-là. Ils mettaient pas les bonnes cassettes dans les boîtes ou les petits pitons de plastique magnétique après... le barreau de métal pour louer le film sont mélangés ou quoi que ce soit. Fait que je me dis, bon, c'est peut-être pas si pire. Steven, je veux pas te couper, là, mais encore une fois, j'ai une anecdote par rapport à ça. Les fameux VHS, pas dans la bonne boîte. Ça l'a fucké toute mon histoire de Friday the 13th, ça, toute ma jeunesse, parce que le Part 5 puis le Part 4 dans mon club vidéo ont été inversés. N'importe quel fan de Friday the 13th, tu sais, le final chapter versus la version que c'est pas Jason, ça l'a fucké tout mon historique, moi, ces histoires-là de cassettes pas en bonne boîte, c'est vraiment pas cool. Continue, excuse-moi. Non, c'est ça, et là, il y a comme la scène des trois avec l'extraterrestre qui se sauve. Je regarde ça, je trouve les costumes cheap. T'as une petite musique synthétiseur qui est aussi pire que le reste du film, mais là, on dirait encore pire, avec des petits bruits de laser BES. J'avais l'impression de regarder genre une genre de production de Roger Corman. Fait que j'ai arrêté le film là, puis j'ai été reporter la cassette disant que c'était pas le bon film ou quelque chose de même. Puis c'est après plusieurs années que j'ai acheté une VHS usagée après le DVD, ainsi de suite. Et ça faisait un bout, je ne l'avais pas écouté. Je l'ai écouté hier soir. Je me suis écouté les films proches du podcast pour avoir quand même la mémoire assez fraîche. J'aime pas la scène d'intro, elle fit pas. Oui, c'est cheesy comme film, mais on dirait que l'intro avec les extraterrestres atteint un degré de trop. J'aime pas cette scène-là, je la trouve carrément mauvaise. J'aime pas les costumes, j'aime pas... je trouve que ça n'a pas sa place. Ça aurait juste dû... peut-être au pire commencer avec le couple dans les années 50 puis la météorite qui arrive un peu comme à la Killer Clown From Outer Space. Je trouve que ça aurait peut-être été mieux. La scène est juste trop cheesy, mais de manière pas jouissive. Là, je la trouve juste mauvaise. Ce que j'ai beaucoup apprécié déjà en partant, je comprends ce que tu disais, Pierre, en même temps que tu disais que les, avoir des sensus comme monstre principal, c'est pas ce qui va faire plus peur. Puis ça me fait penser automatiquement à Slug, qui est un film cheesy, jouissif, là, mais c'est vraiment génial. Puis encore là, ici, c'est bien cheesy. On a bien de la misère à éprouver de la peur ou du stress avec ces petites créatures-là. Mais il y a une sous-intrigue qui a été utilisée dans le film qui est l'entretemps, que j'aime beaucoup, que Fred Decker a utilisé la fameuse légende urbaine du fou qui s'évade de l'asile, puis le couple qui sont pas loin, puis en temps normal, ils finissent par s'enfuir, mais la main est restée comme accrochée après la poignée. Il y a eu tellement de versions. Mais je trouve que dans ce film-là, cette intrigue-là est vraiment, vraiment intéressante, puis vraiment le fun. Puis elle revient régulièrement avec le personnage de Tom Atkins, qui c'est inutile que j'en rajoute, mais qui est excellent avec ses fameuses répliques. Mais tout le background avec cette histoire-là, je la trouve vraiment intéressante. Puis j'aurais quasiment préféré un film là-dessus, sur l'espèce de tueur qui a tué sa petite amie, puis là, qui aurait eu des trucs extraterrestres qui auraient ramené le tueur, puis que ça soit juste basé là-dessus sur un ton un peu plus sérieux. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Notamment quand il est devant la maison de la fille qui surveille comme l'université, puis qu'il y a comme des flashbacks de quand il a enterré le corps du tueur, tout ça. Je trouve que cette scène-là avec le montage est assez efficace, puis je trouve que c'est les moments sérieux du film qui fonctionnent quand même le plus sans qu'on trouve ça cheesy ou drôle. C'est un aspect que j'aime beaucoup avec le personnage. Sinon, dans les personnages principaux, j'aime pas le roux, c'est évident, pas parce qu'il est roux. Sans vouloir être raciste envers les roues. je préfère beaucoup plus le personnage de JC. Puis le team d'amis est assez cliché. C'est quelque chose qu'on voyait souvent dans les années 80 dans les comédies romantiques. T'as les deux amis, t'as le principal, que c'est tout le temps le timide, l'espèce de gros loser poche qui est pas drôle, puis qui a de la misère à foncer. T'as tout le temps son chum avec lui qui est tout le contraire, il est fonceur, il est drôle, il est charmant, puis câlisse, c'est jamais lui qui pogne la fille, c'est tout le temps la petite poche que la fille est intéressée. Hey, le gars à côté, là, il est plus fun, il est drôle, il niaise pas, elle sort avec lui, pourquoi tout le temps l'espèce de loser timide, c'est qu'on s'en fout finalement, puis qu'il faut juste chialer tout le film. Fait que c'est pour ça que le personnage de JC est quand même assez... le plus intéressant. Ouais, mais ça, excuse-moi de te couper encore, mais ça, Jean-François en a parlé, le fameux contexte homosexuel revenait très, très, très, très, très souvent dans les films de cette époque-là. Puis je pense que justement, Jean-François a mis un bon point sur ça. Ça revenait souvent, puis je pense que c'était toujours dans l'espèce de barrière du sous-entendu. Puis comment je dirais, je pense que c'était à ça qu'il servait, honnêtement, sans aller bien ben loin dans une analyse très très profonde qui mènerait nulle part. Je pense honnêtement que c'était ça. Je comprends personnellement, je comprends pas qu'est-ce qu'elle y trouve la fille à ce personnage là il est vraiment pas intéressant. Ah, ben il est antipathique au bout là, j'ai aucune affection envers lui. Mais si tu regardes ses autres prétendants, tu vois que la fille a pas ben même de jugement. C'est le gars le Unibro puis le Bradster là. Ah, Bradster qui a même son nom sur sa plaque de char là. C'est quand qui appelle, dit c'est le Bradster. Il y a Steve, le mono-sourcil. Ouais, le monobrow, c'est malade, ça. Non, c'est ça. Le personnage de JC est le personnage le plus intéressant du film. Notamment, une des scènes que je trouve qui est assez bon, quand il se confie, qui est écœuré d'entendre justement son ami se plaindre alors qu'il n'arrête pas de se dévouer à lui. La scène est quand même assez réussie, puis la performance de l'acteur est quand même bonne. J'apprécie cette scène-là, en tant que tel, qu'il ne tombe pas trop dans le ridicule. Ben, c'est parce qu'il dit dans cette scène-là ce que tout le monde pense de l'acteur principal. Ah, ben exactement. Fait que dans le fond, t'es comme ça. Tout le temps, t'es tout le temps en train de te plaindre, puis de chialer, puis tout. Puis fais donc de quoi de ta vie, tu sais. Autre petit personnage que j'ai apprécié, il n'est pas là longtemps, puis dans le fond, c'est pratiquement nowhere. Ben, tu sais, comme toi, JF, tu parlais de quand Tom Atkins sent la fleur, c'est un petit moment que t'apprécies, que j'aime aussi également. C'est souvent les moments anodins qu'on apprécie le plus dans les films. Ça arrive assez souvent. Puis le petit concierge, il m'a bien fait rire. Chinois, parce que moi, je l'ai écouté en anglais, puis j'ai écouté la version en français que j'ai encore ma VHS. Puis surtout dans la version française, quand il parle, quand dans le fond, Tom Atkins est en train de faire l'interrogatoire aux deux jeunes, puis que le concierge chinois était là comme témoin, puis que là, Tom Atkins, il précise qu'il était là, qu'il les a vus, puis qu'ils se sont sauvés en gueulant comme des forcenés. Oui. Ensuite, le chinois, il est juste jamé là-dessus, puis il fait juste répéter tout le temps ça, en courant comme des forcenés. Le gars, il a vraiment une vie plate, là, tu sais, pour rire. Ah ouais, lui, il a tellement une vie plate qu'il est juste jamé là-dessus, là, puis même quand tu le vois plus tard faire son boulot de concierge, il se repasse encore cette phrase-là, en courant comme des forcenés. Je sais pas, c'est un petit personnage nowhere que j'ai trouvé amusant dans le film. Puis lui, ben, il s'appelle Monsieur Miner, en hommage à Steve Miner. On n'a pas parlé, je pense, depuis le début, mais non, c'est vrai. Tous les personnages des films ont des noms de famille de réalisateurs de films d'horreur. Oui, je pense que la fille, c'est une Cronenberg. Oui. Lui, c'est un genre Cameron Hooper ou quelque chose. Non, pas Cameron, c'est un... C'est Ray Cameron, c'est le... Cameron, ouais, c'est Ray Cameron. Le Chris, c'est un... Il y a deux noms, là. C'était quelque chose Hooper. Ouais, ouais, attends. Ah, merde. Je peux pas croire que j'ai oublié ça. C'est pas... Non. Je pense qu'on est mieux de continuer. On va chercher le... Pendant qu'il y a un de nous autres qui va chercher sur IMDb, continue donc, Steven. Pour revenir aussi sur un autre point positif, comme je disais, c'est difficile d'avoir des scènes fortes en suspense ou en thrill avec des sangsues. Comme menace, mais il y a une scène en particulier, je trouve, qui fonctionne, puis en tant que tel, je pense que c'est elle qui marche le plus en termes de suspense. C'est la scène des toilettes, justement, avec Jesse, lorsqu'il est enfermé là, puis qu'il entend comme quelqu'un rentrer, puis elle entend les bruits de la tête qui éclate, puis les bruits de sangsues qui se promènent un peu partout. Je trouve que cette scène-là est quand même bonne au niveau du suspense. On a peur pour le personnage, vu que c'est pas mal le seul qu'on s'attache le plus. Puis je trouve que la scène, la manière qui est filmée, qui est montée toute, je trouve qu'elle fonctionne bien. C'est une bonne scène de suspense, contrairement au restant du film, que ça marche par moments plus ou moins. Sinon, pour aller avec les défauts, le film est extrêmement cheesy, puis c'est dommage. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est vraiment accidentel sur certains effets, que ce soit le chien ou même le chat. Le chat, je trouve que ça fonctionne pas qu'à la fin, elle regarde avec le visage un peu comme à la Reanimator. C'est juste que là, je trouve que la scène est juste vraiment cheesy, ratée. Surtout que dès qu'il saute dans les bras, on le voit qu'il a la face bien normale. Oui, exactement. Des erreurs de même. On dirait que ça fonctionne pas. Même chose aussi. Par moments, on dirait que le film se prend sérieux, puis d'autres moments, ça marche pas. Notamment à la fin, quand la fille est avec le lance-flamme, puis l'autre, tu sais, les shotguns dans la tête, ils s'enferment dans l'espèce de petit truc à jardin. Puis là, il y en a un qui défonce le mur pour l'attraper. Là, la fille, dans le fond, elle tire un coup de lance-flamme dans le visage qui éclate des partenaires de ses amis. Ensuite, le roux le regarde avec une petite air, puis elle a fait une petite face voulant dire comme si c'était cute, comme si c'était une belle manière de passer une première rencontre ensemble ou une date. Écoute, regarde, cette scène-là ne fonctionne pas sur beaucoup d'aspects. Là. Tu peux pas te sauver d'une gang de zombies qui veulent qui veulent carrément te manger dans une cabane de treillis. Là, comment n'importe qui est douté d'une logique le moindrement utile. Non, écoute. Non, mais c'est une scène qui était. Mais c'est pas un cheesy que je trouve drôle. Je trouve juste que ça n'a pas sa place, puis ça fonctionne pas, puis ça nuit plus qu'au film qu'autre chose. Mais le personnage, je trouve ça vraiment dommage, parce que la partie d'enfant la plus intéressante, c'est à partir de quand tous les gentils compagnons dans l'autobus font un accident, puis qu'ils sont tous infectés par le petit chien, puis qu'ils deviennent une espèce d'armée de zombies. C'est à partir de là que le film commence vraiment à être jouissif puis fun, mais en même temps, c'est là que tout arrive trop vite. On n'a pas le temps de vraiment avoir du fun pleinement. La scène est courte à partir de quand les attaques commencent dans la demeure de l'université. Ça prend pas de temps avant qu'il en ait éliminé une coupe. Ensuite, il s'en va dans le sous-sol pour la grande finale. C'est déjà terminé. Alors que c'était ça le moment le plus intéressant du film, puis ça a été mal exploité, je trouve. C'est vraiment dommage là-dessus. Mais justement, la scène dans le petit truc de jardinage que tu parles, ça a été rajouté après le film, parce que justement, ils ont fait un premier visionnement, puis le monde, c'est ça, qui reprochait qu'il n'y avait pas assez d'action, puis que c'était pas assez développé, comme tu dis. Fait que là, la petite scène d'action où ils se font attaquer par les zombies, ça a été rajouté plus tard. Mais j'imagine pas, la finale, sans cette scène-là, ça serait encore plus beau. Non, c'est ça, exactement. C'est pour ça que les gens se plaignent. Je trouve ça poche, je vais m'acharner encore sur le personnage principal, mais tu sais, si on est en petite cabane, la... je me souviens plus à quel moment qu'il dit ça, mais à un moment donné, il fait une face, c'est comme « Ouais, bon plan de venir dans une petite cabane. » C'est comme, mais moi, j'étais là, puis je le regardais, puis j'ai dit « Bra, mais toi, champion, à quoi t'aurais pensé d'autre? » Ah, même bitch avec la fille dans un moment de même, ça n'a aucun sens. C'est vraiment, tu l'haïs, puis t'espères quasiment qu'il va se faire ouvrir une crâne pour brûler ensuite. Là. C'est ça. Non, sinon... Je suis pas un gros fan de ce film-là. Même quand je l'ai vu quand j'étais jeune, j'avais apprécié, mais sans plus, puis l'ayant revu là, c'est pas un excellent film. Ça reste une série B correcte avec certains moments qui fonctionnent, mais même le côté cheesy m'a pas fait rire, ou j'ai pas eu un plaisir coupable, ou c'est pas du bad so good, là, vraiment pas. La plupart des scènes cheesy, je trouve qu'ils ont juste pas sa place. Ça a juste l'air d'être raté, puis c'était pas supposé être comme ça. Dans le genre cheesy, comme je dis, je préfère de loin Slug qui assume pleinement ce côté-là, qui est vraiment drôle. Fait que, non, Night of the Creep, c'est une petite série B correcte, mais que je pense pas revoir plus souvent que Monster Squad. Vraiment pas. Fait que ta recommandation, ce serait quoi? Une location. Une location. Ben, je vais suivre en disant la même chose. Moi, je l'ai acheté parce que, comme je l'ai expliqué, c'est le genre de cheesy que j'adore, mais que je me l'explique mal. Puis j'ai de la misère à conseiller ce film-là à quelqu'un en disant comme oui, paye pour avoir ce film-là dans ta collection. Je trouve ça même un peu ridicule. Mais je le revisite probablement toutes les années. Puis j'ai encore autant de fun à toutes les fois. Même s'il a mal vieilli. Puis ça, je pense qu'il y a eu beaucoup le facteur nostalgique qui rentre en ligne de compte. Mais bon. Fait que c'est ça, j'irai pour une location. Kevin? Ben, moi, je vais y aller avec un Collector Edition. Oh! À ce point-là? Ouais. Ben moi j'ai aimé ce film-là, j'ai aimé justement toutes les références aux autres films d'horreur, aux autres genres, tu sais, t'as le slasher, t'as les films de zombies, au début dans le vaisseau extraterrestre, ça rappelle un peu Aliens pis tout, puis la performance de Tom Atkins, ouais, on voit des boules aussi, c'est très, c'est le temps plaisant. Non. Mais non, moi c'est ça, j'ai écouté ce film-là une première fois, je l'ai réécouté la version avec les commentaires, puis de Fred Decker, puis je pense le réécouter avec les commentaires du cast là, prochainement. Jean-François? J'irai avec un achat, peut-être pas un Collector's Edition, mais un achat simple. Je me dis que c'est un film qui est le fun à écouter à ce temps-ci, à l'Halloween. Il contient beaucoup d'affaires qui c'est un melting pot de trucs là, qui ont rapport à l'Halloween puis aux films d'horreur. Puis, c'est un bel hommage aux films du passé. C'est un film qui a beaucoup de défauts d'un premier film. Mais je trouve ça intéressant quand même. Puis ça a tellement été long avant qu'il sorte en DVD. Ça est sorti en 2010, mais le film est sorti en 86. Il était vraiment, vraiment, vraiment dur à trouver. Que ça vaut la peine quand même de l'acheter puis de le revoir. Puis c'est pas parfait, mais c'est le fun. Je trouve ça très, très, très, très, très le fun comme film. Fait que là, Jean-François, j'imagine que t'as aussi de la trivia pour ce film-là. Non, je me sens con à toutes les fois de faire semblant que je le sais pas, mais je suis très au courant que tu as de la trivia pour ça. Voudrais-tu nous en faire part, s'il te plaît? Oui. OK. Mais moi, j'étais bien intrigué durant le film quand le détective Cameron parlait aux deux jeunes, puis ils appelaient Spanky puis Alfalfa. J'étais comme, c'est qui ces deux personnages-là? Les Little Rascals. Moi, j'ai fait une recherche, puis c'est des personnages principaux d'une série qui s'appelle Our Gang, Notre Gang. Une série de courts-métrages qui a débuté en 1922. C'était l'histoire de jeunes malfaisants. Alfalfa était le sidekick de Spanky. La série a été très, très populaire. Ça a duré quasiment une quarantaine d'années. Dans les années 50, ils ont changé le titre pour The Little Rascals, les petits voyous. Fait que c'est probablement ça que le détective Cameron écoutait quand, les années 50. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? L'actrice qui joue Pam au début du film, celle qui va être la victime du tueur à la hache, son nom c'est Alice Cadogan et elle s'avère être la femme de Jeffrey Combs. Oh! Ouais. Cet acteur que tout le monde aime, sauf moi. Bien sûr. Dans la scène tôt dans le film où un policier parle au téléphone au détective Cameron pour lui dire de se rendre au labo cryogénique, on voit passer l'auteur-réalisateur Shane Black derrière le policier. Black est un bon ami de Fred Decker puis a écrit Monster Squad avec lui. Et juste pour faire une petite parenthèse, Shane Black a aussi écrit Little Weapon, il a écrit Kiss Kiss Bang Bang qu'il a réalisé. Excellent. Il a écrit Iron Man 3 qu'il a réalisé aussi. Kiss Kiss Bang Bang, sérieusement, là, c'est sûr qu'on sort de l'horreur, là, mais quel film! Iron Man 3 est mon préféré de la trilogie, personnellement. Fait que... Je l'ai pas encore vu, j'ai quand même entendu des avis sur ça, j'hésitais. J'aime beaucoup l'écriture de Shane Black, personnellement. Je trouve que pour les body films, là, il est vraiment bon là, pour écrire. Ben, comme The Long Kiss Goodnight, je sais pas si tu l'as vu, celui-là, il est vraiment excellent. Non, j'ai pas vu. Avec Samuel Jackson et Jamie Davis. C'est lui qui a écrit le dernier Boy Scout aussi, avec Bruce Willis. Oui, oui, oui. Oh, wow. Le réalisateur Steve Miner a réalisé la courte séquence de montage où les gars et les filles se préparent pour aller danser. Miner a réalisé cette même année-là le premier film écrit par Decker, on en a parlé tantôt, je pense, House, scénarisé par Ethan Wiley, d'après un récit de Decker. OK. Decker a parlé que s'il faisait une suite au film, mais c'est quelque chose qui l'intéresse encore beaucoup, il ramènerait le détective Cameron, et je quote en anglais, « He would be back in a major way. » Il serait là de façon majeure, mais malgré le fait que, spoiler, il est mort dans le film. Ouais, c'est ça, là, c'est même pas un sous-entendu, là. C'est impossible qu'il ait survécu à ça. Là. Ben, le détective Cameron serait de retour. Mais on le voit sortir de la maison, ouais, mais... brûlé à la fin. Ouais, mais suite, il se défait. Ouais. En même temps, on disait la même affaire du Dr. Loomis dans Halloween 2. Il ramènerait aussi les personnages de Chris et Cynthia, Jason Lively et Jill Whitlow. Les deux seraient mariés, puis le personnage principal serait ou ne serait pas leur fille. Il aimerait aussi ramener beaucoup Steve Marshall, qui jouait JC, pour faire une couple de petits rôles, genre comme Peter Sellers faisait dans Doctor Strangelove. Il ferait faire plusieurs rôles. Lorsque Brad, dans le film, arrive en zombie à la maison des filles, l'actrice qui lui ouvre la porte s'appelle Susan Snyder, puis elle a joué dans Weird Science avec Jill Whitlow, qui est dans Night of the Creeps. Elle a aussi joué dans Return of the Living Dead Part 2, puis dans Killer Clowns from Space, from Outer Space. Dans les toilettes du film, quand la fameuse scène des toilettes qu'on parlait tantôt, pendant quelques petites secondes, on peut voir l'inscription sur un mur qui dit « Go Monster Squad ». Oui. Oh, c'est très très rapidement, mais c'était déjà un projet dans la tête de Fred Decker. Fait que... Puis sinon, tout ce que j'avais d'autre, c'est que la plupart des sets, des décors intérieurs ont été faits dans un magasin Woolworth qui était fermé à ce moment-là, qui était sur le bord d'être détruit, puis dans le nord d'Hollywood. Puis ils ont fait genre l'appartement du détective Cameron s'était fait là-dedans, la station de police s'est faite là, le laboratoire cryogénique s'est fait là aussi. Puis le vaisseau des Martiens s'est fait là-dedans aussi. Il y avait genre 3 étages, je pense. Puis ça avait été construit dans les années 30. Il y avait comme un sous-sol aussi. Puis ils ont fait plein de décors là-dedans. Fait que c'était pas mal ça, mes trivia. Ben, merci beaucoup. Encore une fois, intéressant comme toujours. Ben, on va prendre un autre petit break musical. Puis bon, ben, comme que je disais encore une fois, le mot d'Halloween, je vais encore vous faire écouter du Goblin. On revient avec la conclusion de l'émission tout de suite après. Ben allons-y avec le classique des classiques de Goblin, Suspiria. Et voilà, chers auditeurs, c'est déjà la fin. Encore une fois, messieurs, je vous remercie énormément pour ce merveilleux temps passé parmi vous. C'était nécessaire, encore une fois, dans une semaine de beaucoup d'ouvrages et de ben de la merde. C'est donc le fun de pouvoir s'arrêter deux minutes puis jaser de films d'horreur. Prochainement, je tiens à dire, parce que là, on a des nouveaux auditeurs qui nous sont amenés par réseau, et je tiens encore, tant qu'à passer pour à faire des plugs, oui, l'Horreur Gamer Show fait partie de réseau, et honnêtement, on est très fiers, et on est contents du produit que c'est. Allez voir ça, rzoweb.com, allez voir toutes les shows qu'il y a là-dessus, il y a vraiment du stock intéressant, des bons shows, des bons podcasts, des bonnes web télé, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Pour nos nouveaux auditeurs, allez voir ça, notre groupe Facebook d'Horreur Gamer, venez participer avec nous, ça commence à être de plus en plus intéressant. Toutes les fois qu'on parle de films, qu'on pose quoi que ce soit, les articles du site de horreur-gamer.com, on aime ça vous entendre, on aime avoir votre feedback. Venez nous dire que vous nous aimez, venez nous dire que vous nous aimez pas pantoute. Ou bien faites comme ben du monde, ben arrêtez pas de dire comment est-ce que Jean-François il est bon. Jean-François, qu'on te avait de te partir un fan club à part. ceci étant dit, prochain épisode de l'Horreur Gamer Show, prochain épisode régulier, parce que là, on prépare un petit quelque chose de je veux pas en parler d'un coup que ça marcherait pas. Prochain épisode régulier, je devais pas nommer de film parce que c'est pas encore officiel. Mais bon, on va se lancer côté sci-fi, côté biomécanique, quelque chose de... cher auditeur Maxime Duclos, je regarde vers toi et je fais wink wink, tu sais où est-ce qu'on s'en va. Ça, c'est plate pour tous les autres auditeurs qui n'ont aucune idée de quoi qu'on parle. Fait que c'est pas mal ça. Venez nous voir Facebook, sur Twitter, sur Instagram si vous voulez voir des photos vraiment pas intéressantes de DVD que je viens d'acheter. Horreur-gamer.com. Horreur-gamer.com, le gars, il est sous vraiment à l'aide. Horreur-gamer.com pour des nouvelles intéressantes, puis toute la patente. Messieurs, un dernier mot? Non. Kevin, à toutes les fois, tu m'épates avec ton dernier mot. La semaine passée, c'était super, là, c'est non. Okay. Bon, ben, moi, je vais y aller avec une dernière réplique. Vas-y. Épatez-moi. Et moi, j'y vais avec... Si vous voyez un loup-garou, tapez-lui dans les roustons. Tu devrais revenir avec ton ce que tu disais dans le temps. Là. Garder ça horreur. Je trouvais que ça finissait bien. Bon, ben merci Kevin. Alors sur ce, chers auditeurs, n'oubliez surtout pas de garder ça horreur. À la prochaine.